6h20 sur Fun Radio, bonjour tout le monde. Je vous dis bonjour parce que bien sûr c'était le replay là, les meilleurs moments de hier en fait qu'on vous a diffusé ce matin. Et que maintenant c'est parti, on est en direct jusqu'à 9h30 avec Julie qui est en pleine forme. Toujours en méga forme. Toujours en méga forme et j'ai envie de dire tant mieux. Je suis ravagé, mais sinon ça va. Oui, tu as l'air un peu ravagé effectivement. Non mais ce matin je fais un rêve bizarre. Je sais plus ce qui s'était passé, mais il y a un moment on tournait une pub et j'étais une grande star du rock. Ok, on voit que tu planes toujours, même dans ta rêve. Ouais. Et le réveil a sonné, donc c'était branché sur la radio. Ouais. Et il y avait une chanson, et je sais pas, ça devait être DJ Fresh ou Niro, je sais pas quoi, tu sais, ça gueulait bien. Ouais. Et j'étais bien, non, j'étais persuadé que j'étais la star du rock, et puis tout d'un coup, je me suis réveillé, je me suis dit, putain. Merde, je suis en retard. Je sais pas, j'étais resté dedans. Mais voilà, on fait parfois des rêves comme ça, un peu chelou. Ça m'est déjà arrivé de rêver à l'Euromillion, ça n'est jamais arrivé pour autant. Mais c'est un beau rêve, tu vois. Ah ouais, c'est un beau rêve. Quand tu te réveilles, c'est un peu difficile, mais en Ah bah attends, mais Star du Rock, c'est bien aussi. Non, c'est pas mal. Non, là, j'ai la tronche, là, j'ai l'impression d'être tout gonflé, tu sais, parce que je suis encore un peu fatigué. Bon, enfin, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. J'imagine on fait de la radio et pas de la télévision. Bah, ouais, tout va bien, personne ne verra. J'en ai fait l'année dernière, c'était très dur. Oui, ça, j'imagine. Se lever à cette heure-là, dis donc, laisse tomber. Bon, 6h21, voilà, j'espère que ça se passe bien chez vous, que le réveil est plus ou moins facile. La bonne nouvelle c'est que ce matin il va faire dégueulasse, mais la bonne nouvelle c'est que cet après-midi il va faire beau a priori. Oui, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants avec Julie bien sûr, côté météo bien sûr. Ce matin, pas mal de choses, la ligne anti-relou qui va débarquer tout à l'heure, c'est normal comme d'habitude, 7h, 8h et 9h-quart. Le numéro de la ligne anti-relou c'est 0473 86 0013. Bien sûr, on aura l'occasion de vous rembourser vos factures, les factures à payer, et enfin rembourser en l'occurrence. C'est facile pour vous inscrire, 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle tout à l'heure, ce sera aux alentours de 7h10. Nous aurons bien sûr des places pour la Smart Cup à vous filer la semaine prochaine. Grosse semaine côté cadeau, vous allez voir, ça va juste être une tuerie. Donc je compte sur vous pour pas trop bouger d'ici, hein. Vous en aurez des nouvelles d'ici à demain normalement. Demain on devrait vous en donner plus des nouvelles justement. Et puis bien sûr les écrans plats à gagner, écrans plats à gagner chaque journée sur Fun Radio, chaque matinée. Il y en a 3 à vous filer entre 6h et 9h30. Donc restez dans le coin, on va faire chier du monde aussi d'ailleurs. Et puis RTL là, qui a décidé de plus diffuser le concours des Miss, c'est fini. Non, c'est terminé. Eh oui, c'est terminé. Je crois que tu disais non, genre non, tu te trompes. Non, c'est terminé. C'est-à-dire que la télévision flamande n'avait toujours pas donné sa réponse parce qu'ils font ça à deux et ils ont besoin des deux pour avoir l'argent, pour pouvoir le produire tout ça et le diffuser. Et la télévision flamande n'avait toujours pas donné son accord. Et donc RTL a dit pour finir, ok, on laisse tomber parce qu'on n'aura pas le temps de préparer tout ça. Mais où vont-ils aller chercher leur speakerine? Écoute, ils ont quand même cherché leurs nouvelles animatrices. Ne t'inquiète pas, dans le communiqué de presse, ils ont bien indiqué qu'ils collaboreront toujours. Je sais plus très bien quelle phrase ils avaient utilisé, mais je sais pas non plus. Vous pouvez comprendre qu'ils comptaient encore bien se servir dans les Miss les prochaines années. Bon, très bien, pas ça va. Alors, non, mais je suis rassuré parce que j'étais quand même relativement inquiet, donc ça va. Me voilà donc rassuré. Ouais, bon, on va s'écouter le son Niro avec Promises, et puis juste après, je vous balancerai la petite énigme qui colle pour pouvoir vous permettre de repartir avec les écrans plats ou avec les packs Nintendo. Oui, et puis on aura l'info aussi de Julie. Le temps d'écouter Niro maintenant sur Fun Radio avec Promises. J'ai pas dit bonjour à Toff parce qu'il est, je pense comme d'habitude, bloqué à la machine à café. Mais il va arriver. Oui, il va arriver, vous inquiétez pas. Niro maintenant et Promises, bonne matinée sur Fun Radio, il est 6h24. C'est Fun Radio, il est 6h27 et Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec tout à l'heure l'interview de Shaggy et Sarah, bien évidemment, voilà, et oui, si vous voyez à quoi ça ressemble, bien évidemment, Shaggy et Sarah, c'était Champagne. Et j'ai cru comprendre que les garçons aimaient beaucoup la jeune femme. Ah oui, je te confirme, effectivement, oui, je te le confirme. Très blonde, très bien foutue, très dans ton genre. Oui, très dans les pays de l'Est. Ouais. Voilà, c'était parfait. Bon, je dis c'était parfait parce qu'on a déjà eu l'occasion de les recevoir. En fait, ils pouvaient pas venir au matin, donc forcément, on a dû enregistrer exceptionnellement l'interview. On vous la diffusera tout à l'heure. C'était sympa. Franchement, c'est bien marré avec Shaggy. Vous aurez l'occasion d'écouter ça tout à l'heure. Attention, devinette qui colle. Certes, on l'a déjà faite pour les filles de l'émission. Ce sera facile. Pour les nouveaux, faudra chercher un petit peu, mais ça devrait bien se passer. Je rappelle qu'il y a toujours un écran plat à gagner, écran plat ou pack Nintendo Wii. Alors attention, ça va être facile. Vous allez voir. C'est tout rond, c'est toujours humide. Et il y a toujours du poil autour. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez la bonne réponse, 6322, 1€ le message. Et écran plat pour vous si vous êtes tiré au sort. Écran plat ou pack Nintendo Wii. C'est tout rond, c'est toujours humide et il y a toujours du poil autour. Bonne chance si vous avez la bonne réponse. Dans un instant, c'est Ina qui arrive. avec Un Momento. Et puis l'info de Julie aussi, bien évidemment, ce sera à 6h30 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici, Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Estelica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. À la radio. Il est 6h30 sur Fun Radio. On passe aux infos maintenant avec Julie. Salut à tous. Drame social à Liège. ArcelorMittal ferme les hauts fourneaux. Les syndicats sont en colère et les politiques sont stupéfaits. Cela représente une menace directe pour près de 1000 travailleurs et 3000 emplois indirects sont concernés. Concrètement, ce sont les deux hauts fourneaux d'Ougrée et de Sorin ainsi qu'une bonne partie du site de Chertal qui sont concernés par les fermetures. La procédure de licenciement collectif a été lancée. De leur côté, les syndicats promettent la riposte dès aujourd'hui. Politique, Elio Di Rupo ne s'est pas rendu chez le roi hier soir. Trouver une coalition est apparemment difficile. Le CDNV ne veut pas des verts dans le nouveau gouvernement. Le formateur poursuivra ses entretiens avec les présidents de parti aujourd'hui, tandis que de son côté, la NVA critique l'accord conclu et la sixième réforme de l'État. Le nombre de députés et de conseillers provinciaux sera réduit d'un tiers. Le projet de décret a été approuvé par le Parlement wallon. L'opposition MR s'est donc jointe à la majorité pour soutenir un texte qu'elle juge toutefois incomplet. Le décret ne dit rien de l'avenir des compétences des provinces, tandis que Écolo a rappelé le contenu de l'accord conclu justement entre les 8 partis au niveau fédéral. Celui-ci prévoit que la Constitution sera modifiée pour permettre aux régions d'organiser les provinces en toute autonomie. Schaerbeek est la seule commune bruxelloise où la criminalité est en baisse constante. Et ce, chaque année depuis 2002. Le nombre de faits recensés sur la période 2002-2010 a baissé de 29,37%. Dans l'ensemble, la région bruxelloise connaît une tendance à la baisse depuis 8 ans. Ixelles et Auderghem sont par contre les deux seules communes où la criminalité est en hausse. À l'étranger, à Los Angeles, au moins 6 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une fusillade survenue dans un centre commercial mercredi après-midi. Un homme a fait irruption dans un salon de coiffure et a ouvert le feu. Le suspect, qui semble avoir agi seul, a été placé en garde à vue après avoir été repris au moins à moins d'un kilomètre de la scène du crime. La police a découvert plusieurs armes dans la voiture du suspect qui n'a opposé aucune résistance. Le mobile du crime reste inconnu. Oui. Ah oui, bah dis donc. Tu fais des signes, mais tu. Bah non, mais moi j'étais en train de lire un truc là. Ah bah excuse-moi de te déranger. Hein. 6h32 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. La matinée reste encore bien grise, mais le soleil arrive déjà sur le littoral. Cet après-midi, on attend de belles éclaircies. Température en baisse quand même, hein, jusqu'à 15 degrés. Bon, ça va encore. Ouais. Demain et ce week-end, toujours du soleil à prévoir et température toujours un petit peu en baisse. Ouais, c'est ça. Donc par contre, ça va cailler un peu. Il y aura le soleil, mais bon, vous croyez pas non plus que vous allez sortir le transat. Hein. Non. Moi, j'ai prévu d'aller à la mer, hein, mais à mon avis, j'irai avec un gros pull. Ah oui, mon avis, il va falloir y aller avec un. Ce sera un petit soleil d'hiver. Ouais, mais c'est bon, ça, les soleils. Tu sais, tu te balades, puis tu bois un chocolat chaud, comme ça. Ouais, bon, enfin, un soleil d'été. Hein, il va faire 15 degrés quand même. Hein, donc oui, ça oui, va, c'est vrai, il va pas faire moins 5. Ouais. 6h33 sur Fun Radio. Fun Radio. Et l'info en plus maintenant. Quelle est-elle ? Alors, est-ce que tu connais le film La vie est un long fleuve tranquille ? Oui, bien sûr. Donc, ce film qui raconte l'histoire de deux familles dont les enfants ont été échangés. Exactement. Donc, le film est quand même assez drôle. Donc, je vous le conseille déjà premièrement parce que forcément, les deux familles qu'ils ont choisies pour le film. Le film raconte l'histoire de deux familles, une très bourgeoise et une pas du tout. Donc, forcément, l'échange des enfants, c'est assez rigolo. Mais bon, ce qui est beaucoup moins rigolo, c'est qu'il y a passé la même histoire en Russie. Ah oui, en Russie, oui, c'est moins drôle tout de suite, à mon avis. Donc, en fait, donc, deux enfants à la maternité ont été échangés. Donc les infirmières se sont trompées en rendant le bébé à la famille. C'est une petite erreur. Alors comment est-ce que les familles se sont rendues compte de ça? C'est la mère d'une des deux, ces deux petites filles. Il y en a qui était black et l'autre qui était blanc, non? Eh ben pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. C'est juste que oui, il y en avait une qui était un peu plus mate de peau et un peu plus foncée et l'autre plus blonde. Mais bon, il y a la maman d'une des petites filles qui est divorcée du papa. Et le papa a refusé de payer une pension alimentaire en affirmant qu'il devait sûrement pas être le père de la fille vu qu'elle ne lui ressemblait pas. Ah oui, c'est donc, ça. Ouais. Juge, tribunal, etc. Test ADN et la juge se rend compte. Malheur que l'enfant n'a, l'ADN n'est ni de son père ni de sa mère, quoi. Ah oui, donc là, la mère a commencé à mener une enquête, etc., avec la date à laquelle elle avait accouché, et elle s'est rendue compte qu'une autre maman avait accouché à ce moment, exactement au même moment. et qu'effectivement la maternité s'était trompée. Donc maintenant évidemment elle a porté plainte contre l'hôpital. Elle réclame 150 000 euros de dommages et intérêts. Bon, bah, ça comme, lui ramènera pas son gosse. Hein. Tout comme l'autre famille, oui. Alors les deux petites filles sont rencontrées, ils ont expliqué le cas, mais évidemment aucune des petites filles ne veut quitter la famille dans laquelle elle a vécu pendant 12 ans. Parce qu'elles ont 12 ans. Bah, ça dépend aussi. Il y a une famille qui est blindasse, quoi, mais sinon. Bah, écoute, je crois que de toute façon, à 12 ans, tu ne te rends pas bien compte de ça. Tu veux juste rester près de celle que tu crois ta maman. Ah, ouais, non, moi, j'avais déjà bien compris comment ça marchait. Hein. Donc, voilà, c'est quand même une histoire assez. Enfin, voilà, comme quoi la fiction et la réalité peuvent se mélanger. Bah, c'est assez horrible. Ça peut arriver, c'est clair. Je trouve ça vraiment horrible. Ah, oui, je suis d'accord. T'imagines, aujourd'hui, on te dit, bah, tes parents, c'est pas tes parents, en fait, on s'est trompé. Oui, non, c'est. J'aime pas la violence. Moi, il y a peu de doute. Moi, je ressens quand même assez fort à mes parents. Ah, ouais, non, mais enfin, bon, on sait jamais. 6h35 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Je vous rappelle la petite devinette qui colle, on l'avait déjà faite, donc c'est pour ça c'est facile ce matin. Mais en plus, c'est surtout pour ceux qui n'étaient pas là quand on a fait la devinette. 63-22 si vous avez la bonne réponse. Écran plat à gagner, écran plat et enfin pas et c'est où pack Nintendo Wii. Donc c'est tout rond, c'est toujours humide, et c'est toujours il y a toujours du poil autour. Qu'est-ce que c'est? Qui suis-je ou que suis-je? Si vous avez la bonne réponse, 63-22 avec la réponse justement, ça nous rend le message et on va s'écouter justement maintenant le son de Ina avec Un Momento sur Fun Radio. 6h35, bon réveil, c'est jeudi aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne reste plus qu'un jour avant vendredi. Et ça, ça fait plaisir. Ina sur Fun Radio avec Un Momento, 6h38. Bon réveil tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est jeudi aujourd'hui le 13 octobre et nous avons encore une fois, comme chaque matinée d'ailleurs, des écrans plats vous filer un par heure qui peuvent tomber. C'est un écran plat ou une console Wii, le pack Nintendo Wii avec la console, les manettes et les jeux. Si vous avez la réponse à cette devinette qui colle, c'est tout rond, c'est toujours humide et il y a du poil autour. On peut vous donner un indice également, ceux qui n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir les utiliser ou en général des lunettes noires devant. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être un bon indice. Peut-être un autre indice éventuellement, Julie, moins perché. Non. Premier indice, je laisse. Je voudrais un deuxième. D'accord, très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse. Oui, pas très bien. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, allez-y, c'est un euro le message pour gagner les écrans plats ou les packs Nintendo Wii. On va parler d'Amy Winehouse, justement, tiens. Oui, plutôt de son papa. Ah, c'est son papa. Mais elle n'a pas grand-chose pour l'instant, vu qu'elle est morte. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'un jour, elle reviendra avec un album... Avec Elvis. Peut-être elle va revenir avec Michael Jackson. Oui, Elvis, Michael Jackson et Kurt Cobain. Ça cartonnerait. Ça peut être énorme. Moi, bon, écoute, son père va publier un livre sur elle. Ah, d'accord, ok. Bah oui, forcément, faut bien faire de l'argent maintenant qu'elle est plus là. Oui, il faut payer des funérailles. Bah, il faut tout payer, hein, tu m'étonnes. Ouais. D'accord, c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé à lire l'info. Je me suis dit, alors comment faire du pognon sur le dos de sa fille qui est décédée? Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Donc, il va publier un livre sur elle où il va raconter de ses débuts de sale gosse à son envol vers la gloire, à ses batailles bien connues contre les addictions, etc., etc., etc. Ouais. Mais la quand même bonne nouvelle, c'est que les recettes seront reversées à la fondation Amy Winehouse, l'association qui a été créée par son papa, toujours, pour aider les jeunes en difficulté, confrontés notamment aux problèmes d'addiction. Puisqu'on le sait, Amy Winehouse était accro à l'alcool, à la drogue. On l'a retrouvée morte le 23 juillet à 27 ans, elle est décédée. Hein. C'est 27 ans, tout jeune. La malédiction des 27, apparemment. Ouais, c'est un peu ça. Moi, j'ai 27 ans, ça me fait un peu peur. Bon, mais t'es pas une star. Bon, zut. Non, mais tu savais ce qu'elle se met dans le nez. C'est la baronne, je te rappelle. C'est la baronne. Bah oui. Et donc voilà. Donc, il va publier un livre sur elle. Donc, je ne sais pas s'il va oser se lâcher et publier des trucs franchement trash, parce que ça reste quand même son papa. Mais bon, on sait que le papa, il a eu, depuis qu'elle est morte, une attitude un peu bizarre. À peine sa fille était décédée, il allait dans la rue pour jeter ses habits aux gens. Enfin, il aime beaucoup se montrer. On l'a croisé dans beaucoup de soirées people, ce genre de choses. Donc le père aime se montrer depuis que sa fille est décédée. Donc il en profite un petit peu. Bon, alors d'accord, les recettes vont être reversées à la fondation. Mais bon, quand même, on a le droit de se poser des questions. Donc voilà, Amy Winehouse qui nous a quitté le 23 juillet. Et l'autopsie n'a pas vraiment permis d'établir la cause de la mort. Hein. Ça, oui, c'est ça qui est bizarre, ouais. C'est ça qui est chelou, effectivement. On n'a pas trouvé de substance illicite dans son corps. Non, parce que son corps était illicite complètement, tu vois. C'est-à-dire qu'elle était tellement dedans qu'il y a un moment, on ne peut plus voir quelque chose de bizarre. Hein. Donc on pense que c'est le fait qu'elle ait tout arrêté, en fait, d'un coup, qui était trop, trop dur pour son corps. Comme peut-être, quoi, peut-être. Bon, 6h41 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde, dans un instant. La ligne anti-relou, et je vous rappelle l'énigme qui colle. C'est tout rond, c'est toujours humide, il y a du poil autour. Voilà, on l'utilise, c'est ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir les utiliser ou de ne plus pouvoir les utiliser. Eh bien, ont des lunettes noires devant. Voilà, bon, je peux pas donner plus d'indices à ce niveau-là. 63-22 pour la bonne réponse. Et dans un instant, c'est Kate Delona qui arrive. Kate Delona avec Fat Man Scoop. Ce sera Drop It Low sur Fun Radio à 6h42. Puis on fera un tour du côté de l'infotrafic aussi d'ailleurs. Si vous êtes témoin d'un problème sur les routes, 30-44 par SMS et 50 centimes le message. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Oh, alors Dieu. Comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. Il est 6h47 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. On va passer maintenant à l'infotrafic. Qu'est-ce qui se passe sur les routes? Prudence, véhicule en feu sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Vilvoorde en direction donc de Bruxelles. Dans cet accent, Julie, à chaque fois, Vilvoorde. Oh, ça va encore. Hein, c'est pas, mais c'est bien. C'est si fort que ça. Mais c'est dans le bien que tu prononces le mot comme merci il le faut. Merci beaucoup. Hein. J'aime que tu lui donnes compliment à moi. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Bande d'arrêt d'urgence qui est obstruée. C'est juste avant la sortie Grimbergen. Très bien. Et si vous êtes témoin d'un autre problème sur la route, bouchon, accident. Tout simplement, ou alors un petit radar qui est planqué là, n'hésitez pas à le signaler, faites péter la solidarité de Fun Radio. Ça se passe au 30 44, 50 centimes le message. Et si vous voulez pas payer, quoi, en plus vous avez un smartphone, envoyez-moi un mail, c'est gratuit. mikl@funradio.be. Allez, la ligne anti-relou maintenant. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et la ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio à 7h-, 8h-, et 9h-. Les meilleurs messages, on vous les diffuse. Les meilleurs messages qui viennent d'où? Eh bien, c'est simple. Ils viennent grâce à vous sur le répondeur de l'émission, le 0 473 86 00 13. Quand vous êtes en soirée, par exemple, soirée dans un bar avec des amis, peu importe, vous croisez un relou qui vient vous prendre la tête pendant toute la soirée. Pour vous en débarrasser en général, bah, vous cédez, vous donnez votre numéro de téléphone. On vous êtes tranquille pour la soirée. Mais le problème, c'est que le lendemain, il remet le couvert et c'est jamais fini, quoi. Donc, pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, donnez-lui notre numéro. Le numéro de la ligne anti-relou. Vous en serez débarrassé le soir même et surtout définitivement, puisque quand il vous appellera le lendemain, bah, il tombera pas chez vous, il tombera chez nous. Et nous, par contre, eh bah, évidemment, c'est du caviar qu'on vous sert tous les matins sur Fun Radio. Écoutez le premier message. Oui, bonjour. C'est pour te dire merci pour cette soirée qu'on a passée ensemble. Je trouve qu'on a bien mangé, surtout saucisse compote purée. C'est vraiment ce que je préfère. Maintenant, si tu veux manger une autre saucisse, plutôt différente que ce qu'on a hier. On peut voir quand tu veux. Non. Tu m'appelles. Allez, salut. Ah, il est bon. Si tu veux manger une autre saucisse. Indifférente, il entre direct dans le top 3 là, je pense. Ah ouais, ouais, je pense qu'il est bien, il va être bien classé lui. Hein. Comment est-ce qu'il ose dire ça, quoi? Ah, il va être bien classé. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Allô, Samarakoum, c'est le garçon, là, notre Joe, côté de notre dépôt, qui est rentré au toilette. Et. J'ai demandé ton numéro à Ahmed, on va donner ton numéro, moi je vois ton téléphone bien éteint. Rallume-le vite, parce que moi il faut que je te parle, parce que t'es une belle fille. Parfait, allez, je suis là, Max. Bon, lui ça va encore, à part qu'il arrive parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui a donné le numéro de téléphone. Mais bon, par rapport au premier, ça va, c'est un petit joueur, quoi. Enfin, ouais, mais c'est bon, pas je non plus. Te parle parce que t'es une belle fille. Hein. Ouais, oui, voilà, mais tu bon. Vois, il y a aussi une façon de dire les choses. Ouais, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Allez, deuxième message, troisième et dernier message de ce matin. Ouais, donc là c'est un quelqu'un qui vient d'un endroit spécialisé. Hein. C'était ouais. Pas grave, bon ça peut arriver. Non, non, non, si t'appelles une meuf, tu lui laisses ça quoi. Non mais là je pense que le mec il savait qu'il a. C'est exactement ce qu'il essaye de faire en fait. Hein. Ouais, il pense appeler la meuf et en fait il lui laisse ça. Ouais. C'est possible aussi. Retour de la ligne anti-relou avec d'autres messages, ce sera tout à l'heure bien sûr. Dans moins d'une heure, c'est-à-dire à 8h moins quart, pardon. Et puis je vous rappelle, la devinette qui colle ce matin, c'est tout rond, toujours humide, il y a du poil autour. Qu'est-ce que c'est? On proposait des narines, non pas du tout. Si vous avez la bonne réponse, donc on proposait une brosse à chiottes également, un goupillon. Voilà, c'est Manu de Thuin qui avait proposé ça, pas du tout. En général, comme je l'ai dit, ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir en profiter ou de les utiliser ont des lunettes noires devant. Voilà, et on cherche le singulier de ceci. Bon, on peut dire le deux à la limite, mais on cherche le singulier, on va dire. Si vous avez la bonne réponse, 6322 par SMS, 1€ le message. Et puis surtout, il y a donc, comme je le disais, un écran plat à gagner comme chaque matin et toutes les heures sur Fun Radio dans Mickaël à la radio. Ou alors la console Nintendo Wii, le package complet avec la console, les manettes et les jeux. Bonne chance tout le monde. Et côté musique, à 6h51, avant de faire chier le monde, on va écouter le son de Kate de Luna maintenant et Fatman Scoop, Drop It Low. Kate de Luna sur Fun Radio avec Fatman Scoop. C'était Drop It Low. Bonne matinée, il est 6h55. Dans un instant, c'est l'info qui arrive avec Julie. On aura aussi l'occasion de s'écouter le son de Licky Lee avec I Follow Rivers. Et puis, ce matin, on va encore collecter de l'argent, Tuff ou... Pas du tout. Ah. Pas du tout, non. Parce que, comme j'ai entendu l'info hallucinante de Julie ce matin. Ah oui, avec la maternité. Bah ouais, c'est ça. Donc, la maternité russe qui a inversé deux enfants, ils s'en sont rendus compte. C'est un truc de fou, comment ans après. Ouais, c'est ça, comment ils ont réussi à pas s'en rendre compte. Enfin, bref. Ouais, enfin bon, donc voilà, c'est pas forcément, il a fallu attendre le divorce parce que après t'as pas de raison de faire un test de paternité. Ah non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et donc du coup, j'ai décidé ce matin d'appeler les maternités en Belgique pour voir si c'était possible chez nous aussi de se tromper. D'accord, mais quoi, tu vas faire genre, ils sont trompés ou tu vas juste leur poser la question, oui, est-ce que ça arrive? Non, je vais dire que là j'ai mon enfant et qu'il me ressemble pas et que je me pose des questions. Bon, très bien. Bon, allez, on appelle où, quelle maternité? Oh bah, on va appeler à Bruxelles. Allez, à Bruxelles, la capitale, c'est parti, on y va. Puis on aura la réponse à la devinette aussi après. Alors, oh là là. Oui, bonjour monsieur, j'aurais souhaité la maternité, s'il vous plaît. Merci en ligne, monsieur, je vous passe la maternité. Merci. Ah bah voilà, il est gentil. Ça va, il est cool. La maternité, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que... comment dire, voilà, j'ai une question qui me taraude. J'aurais voulu savoir si vous auriez pu inverser un enfant. Attendez, inverser un enfant? Oui, voilà. C'est-à-dire confondre un enfant avec un autre? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, je vous explique, ça fait plusieurs années que je regarde le mien et que je me dis qu'il n'est pas de moi. Et au début, j'ai cru que c'était ma femme qui, bon voilà, vous savez, elle a eu quelques aventures extra-conjugales sur lesquelles j'ai passé l'éponge. Et donc je me suis dit que peut-être c'était arrivé à ce moment-là. Mais là, je trouve que de plus en plus, il ne lui ressemble pas non plus. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Ben, je me demandais, voilà, je vous pose la question de savoir si peut-être il aurait été... Il vous serait... En général, tout bébé qui naît a un bracelet, monsieur. Oui, mais vous n'auriez pas pu vous tromper de bracelet, par exemple. Vous voyez, vous auriez mis celui d'un autre sur un enfant, et après, bon, ben, c'est le drame. En principe, non, mais bon, l'erreur, mais voilà. Ah oui, donc ça aurait pu arriver. C'est peu probable. Votre enfant, il est resté près de sa maman tout le temps, ou il a eu une hospitalisation néonate? Écoutez, je n'étais pas là, vous savez, parce que j'ai fait un petit malaise une fois que ça a commencé à... Enfin bon, oui. Voilà, je n'ai pas supporté. Et donc je ne sais pas trop, mais donc c'est pour ça que, voilà, vous voyez, si j'avais surveillé de tout l'accouchement, bon, forcément, je serais sûr que c'est le bon. Mais là, voilà, malheureusement, je n'y étais pas. Ouais. En principe, je dis, on prend des mesures pour que ça n'arrive pas. Mais bon, ouais. Vous dire que l'erreur zéro n'existe pas, bon, ben voilà. Bon, donc vous me conseillez de, voilà, il faut qu'on fasse un test, quoi, pour être sûr. Surtout aussi psychologiquement, dans le sens où vous vous posez des questions, donc voilà. Oui. Bon, ben très bien. Ben écoutez, je vous remercie de cette explication. Ça va? Oui, merci. Voilà. Ah, au revoir. Au revoir. Ah bah c'est rassurant. Allez, donc l'erreur existe. Eh bah l'erreur, mais que tu voulais, hein, on est des êtres humains, on peut se tromper. Hein. On peut se tromper, donc hein, c'est ça qui est bon. Il est bon de savoir qu'on peut se tromper. Exactement, donc si jamais vous avez un gosse, il vous ressemble pas des masses. Il y a peut-être une explication autre que... Vous appelez votre maternité, il y a peut-être une explication autre que monsieur ou madame a été voir ailleurs. Hein. Oui, bah, on s'est trompé, écoutez. Ouais, hein. C'est une erreur, écoutez, si vous voulez qu'on y fasse, nous, hein, on est des êtres humains comme tout le monde. Hein. Ah, vous avez une fille, vous avez donné un garçon, c'est bizarre. Ça vous arrive jamais de vous tromper, vous, hein? Non mais sans déconner. Bon, bah 6h58 sur Fun Radio, dans un instant, c'est l'info avec Julie, je vous rappelle encore une fois, là, la petite énigme qui colle ce matin, c'est tout rond, toujours humide, avec du poil autour, un écran plat à gagner si vous avez la bonne réponse, au 6322. C'est 1€ le message. On vous remboursera les factures également. Je vous en parle dans quelques minutes. Le temps d'écouter l'info et l'Ikili aussi. L'Ikili qui arrive sur Fun Radio avec I Follow Rivers. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Et à 6h59 sur Fun Radio, un petit peu avant les autres, c'est les infos maintenant avec Julie. Salut à tous, ce drame social à Liège, ArcelorMittal ferme les hauts fourneaux, les syndicats sont en colère et les politiques sont stupéfaits. Cela représente une menace directe pour près de 1000 travailleurs et 3000 emplois indirects sont concernés. Concrètement, ce sont les deux hauts fourneaux d'Ougré et de Serein ainsi qu'une bonne partie du site de Chertal qui sont concernés par les fermetures. La procédure de licenciement collectif a été été lancée. De leur côté, les syndicats promettent la riposte dès aujourd'hui. Politique, Elio Di Rupo ne s'est pas rendu chez le roi hier. Trouver une coalition est très difficile, d'après sa porte-parole. Le débat sur la future coalition porte essentiellement sur la présence ou pas des écologistes, d'Écolo ou de Groen. Le CDNV ne veut pas des Verts dans le gouvernement. Le formateur poursuit ses entretiens avec les présidents de parti aujourd'hui, tandis que de son côté, la NVA critique déjà l'accord conclu et la sixième réforme de l'État. Schaerbeek est la seule commune bruxelloise où la criminalité est en baisse constante, et ce chaque année depuis 2002. Le nombre des faits recensés sur la période 2002-2010 a baissé de 29,37%. Dans l'ensemble, la région bruxelloise connaît une tendance à la baisse sur 8 ans. Ixelles et Oudorghem sont par contre les deux seules communes où la criminalité est en hausse. Amnesty International a demandé aux autorités canadiennes d'arrêter et de poursuivre en justice George W. Bush lors de sa visite au Canada prévue le 20 octobre. L'association accuse l'ancien président des États-Unis de crimes, notamment de torture. Les accusations d'Amnesty concernent notamment le programme secret de la CIA appliqué entre 2002 et 2009 qui infligeait aux détenus, selon l'organisation, la torture et d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que des disparitions forcées. À Los Angeles, au moins 6 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une fusillade survenue dans un centre commercial. Mercredi après-midi, un homme a fait irruption dans un salon de coiffure et a ouvert le feu. Le suspect, qui semble avoir agi seul, a été placé en garde à vue après avoir été repris à moins d'un kilomètre de la scène du crime. La police a découvert plusieurs armes dans la voiture du suspect qui n'a opposé aucune résistance. Le mobile du crime reste inconnu. Très bien, la météo maintenant à 7h02 sur Fun Radio. La matinée reste encore grise, mais bonne nouvelle, le soleil arrive déjà sur le littoral et cet après-midi, on attend de belles éclaircies sur tout le pays. Température un petit peu en baisse quand même, jusqu'à 15 degrés demain et ce week-end, toujours du soleil. Bon, bah c'est cool, ça fait plaisir. 7h02 sur Fun Radio, dans un instant, restez bien là, puisque nous allons vous rembourser vos factures. 63-22 par SMS, débutez le message par facture, comme là, tiens, facture de 117€ pour Proximus. 151€ quand même pour Mobistar, 98€ pour les 3 Suisses. Qu'est-ce qu'il y a également? 87€ pour la taxe automobile, 100€ pour la redevance téléradio, 128€ pour l'électricité. Bref, si vous aussi vous voulez avoir une chance qu'on vous rappelle pour vous rembourser vos factures, n'hésitez pas. 63-22, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Fun Radio. Fun Radio. Et dans un instant sur Fun Radio, c'est Licky Lee qu'on écoute avec I Follow Rivers. Mais avant cela, évidemment, l'info en plus. Alors Mickaël, tu choses du combien? 42, 43. Ouais, tof. La moyenne quoi. 42. Ouais. Eh bien, moi j'ai la taille... Moi j'ai fait du 49, non, hein, je m'appelle Julie. Ah bon? Je fais du 40 déjà. Eh bien, mais... Ah ouais, quand même. Ah ouais, mais t'es pas petite en même temps. Ouais, mais c'est 75. Même on l'appelle Bigfoot dans le monde. Que dalle. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est déjà, mais que dalle. Qu'ils sont méchants, déjà. Ouais, c'est ça, ouais. Alors bien, c'est un jeune Marocain de 29 ans qui vit en banlieue parisienne, qui a battu le record du monde des pieds les plus grands. Et quand même, il fait du 58. Oh merde. Donc il faut quand même, fallait quand même le signaler. Mais on lui fait des chaussures, en vrai? Eh bien oui, il doit se faire des chaussures spéciales. Ah oui. Hein, parce 58 que, il trouve pas du 58 en magasin. Tu m'étonnes. Ah non, c'est assez impressionnant. Et il mesure, voilà, devinez un petit peu combien il mesure. Ah, il doit faire du 58. 2m30. Ou un peu plus. 2m40. Plus que 2m40. Un peu plus que 2m40. Il rentre même pas dans le studio, donc. Il fait 2m46. Bah, il faut bien le faire tenir, hein, tu penses. Hein, c'est normal qu'il ait des pieds. C'est assez énorme. Et donc, c'est merveilleux. Il a réussi à battre le record du monde. Ah bah, ça lui fait une belle jambe, tiens. Des pieds les plus grands. Ah bah, génial, il doit être content, tiens. Mais est-ce que ça lui fait une belle troisième jambe? Ah, ça, je sais pas, après. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ses pieds mesurent 38 cm. Oh la vache. Donc ça fait du 58 quoi. Donc tu vois, 38 cm c'est pas vraiment fort comme ça, mais quand tu dis qu'il fait du 58, le mec. Là, le mec il joue au foot, il te met une patate. Bon, truc il de est fou, hein. Forcément, pour être aussi grand, bah, il souffre d'une maladie quand même exceptionnellement rare, c'est l'acromégalie. Quoi, il va continuer à grandir indéfiniment ou... Non, je pense qu'il s'est arrêté là, il a 29 ans, mais bon, il a grandi beaucoup trop forcément. Sans et c'est déconner. Une maladie qui touche une personne sur 20 000. Non mais 2m50, t'imagines un peu, il peut rentrer nulle part dans la voiture, il peut pas rentrer, même au carouage, il peut pas rentrer. C'est très difficile. Oui, pourrait. Si vous cherchez un Brahim pied grand pied, vous trouverez une vidéo photo, sur internet. Ouais. Avec, non, carrément une vidéo, ouais. Où tu peux voir Brahim Takioula, qui est donc français, puisqu'il vit en banlieue parisienne. Ok, bah dis donc, bon courage à lui. Hein. Ouais. 7h05 sur Fun Radio. Bon réveil à vous toutes et vous tous. tous également, c'est jeudi aujourd'hui, le 13 octobre. La bonne nouvelle, c'est que demain, c'est vendredi. Et que la bonne nouvelle également aussi, c'est que dans 5 minutes, on va vous appeler pour vous rembourser vos factures. 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Dans 5 minutes, c'est peut-être chez toi qu'on appelle. Le temps d'écouter le son de Liquidy maintenant. C'est I Follow Rivers sur Fun Radio. Bonne matinée, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Liquidy sur Fun Radio, c'était I Follow Rivers. Et nous allons maintenant payer les factures, car oui, c'est l'heure, il est 7h09 sur Fun Radio. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Enfin, il est 7h09 sur Fun Radio et j'en déduis qu'il est la même heure sur les autres radios, hein, techniquement. Hein, normalement, ça devrait... Ah non, il n'y a que nous qui avons la vraie heure. Oui, c'est vrai, nous sommes au top de la bonne heure. Premier sur l'horloge. Alors, premier. Nous sommes à fond sur l'horloge. Dans un instant, c'est Milton Heads qui arrive avec Eden Martin avec Trust You Again. Et nous allons dans un instant, même maintenant d'ailleurs, hein, appeler quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite au 6322 avec le code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Et nous allons rembourser combien, Tof? 46,50€, d'accord. Il y en avait d'autres qui est arrivé. 99€ pour un GPS, 100€ pour l'internet et la télévision, 47 000€ pour mon nouveau toit. Ouais, non, mais je vous explique, ces trucs, ça marchera jamais. Oh non. Bon, refais-le, on sait jamais qu'on s'est trompé. Refais-le. Oh merde, j'ai fait une connerie. Voilà. Non, refais-le, on sait jamais qu'on se soit trompé. Voilà, on va refaire, comme ça on est sûr, hein, on ne taxera pas de faire tomber le répondeur exprès. Même si depuis jeudi, il faut quand même savoir qu'il y a que deux personnes qui ont perdu. Hein. Et depuis jeudi dernier, je veux dire, ça va quoi. Non, on est jeudi, on est une semaine, il y a deux ou trois échecs, pas plus. Bon allez, c'est parti, on rappelle. Allez hop. Donc 46€, hein, c'est le remboursement. Oui, 46,50€. Voilà. Ah, ouais, maintenant ça sonne. 65,48€ pour Proximus également. Alors allô. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, qui paye les factures le matin? Fun Radio. Mais oui, mais bien sûr. Toi tu te réveilles. Oui, c'est ça, hein. Oui, un petit peu. Tu as la tête dans ton cul. Eh oui, avec un petit peu la tête dans le fion, c'est normal. Comment tu t'appelles? Admire. Admire, salut Admire. C'était donc Miguel, t'es en direct sur Fun Radio. Et on t'appelle pour te rembourser ta facture de 46,50€, Admire, c'est plutôt une bonne nouvelle, tu vas payer. Merci. Mais je t'en prie, tu vas payer. Tu vas payer quoi avec ça? C'est ma facture d'eau. Ta facture d'eau, eh ben voilà, écoute, c'est plié, c'est payé. On va t'expliquer aux rentelles comment faire pour qu'on puisse te la rembourser dans les prochains jours. Voilà Admire. Eh bien, passe une bonne journée, ça. Admire. Merci beaucoup. Salut Admire, à bientôt. Et puis bah les autres, hein, si vous voulez faire comme Admire, c'est dans moins d'une heure là, à 8h10. Et bien vous inscrivez dès maintenant 6322 par SMS. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme quoi ça peut arriver chez tout le monde. Dans un instant c'est Mutton Heads. C'est même maintenant, tiens, avec Eden Martin et Trust You Again. Et juste après c'est l'horoscope. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Mutton Heads sur Fun Radio. Tous les matins je n'écoute jamais Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. C'était Mutton Heads à l'instant sur Fun Radio avec Trust You Again. Dans un instant l'horoscope et mais avant ça bien évidemment la réponse à la devinette qui colle. Et c'est avec Cédric que ça se passe. Cédric, 23 ans de Namur. Salut Céd. Salut, comment ça va? Eh ben ça va bien et toi? Bah magnifique. Bien. En plus le beau temps aujourd'hui va revenir et tout, là on est au top, ça fait plaisir. Bon Cédric, t'appelles de Namur, 107.5 pour écouter Fun Radio à Namur et tu as la réponse à la devinette qui colle. C'est tout rond, toujours humide et avec du poil autour. Qui suis-je ou que suis-je? C'est l'œil. Eh ben c'est l'œil, voilà, c'est une bonne réponse. Bravo à toi. Tu repars donc avec soit un écran plat, soit avec le pack Nintendo Wii. Tu choisis quoi? Oh, l'écran plat. L'écran plat, allez, c'est plié. Je te renvoie au standard. Tu gères ça avec Tof. On prend tes coordonnées. On t'envoie ça rapidos, d'accord? Merci bien. Salut, je t'en prie. Bon, à bientôt. Et dans un instant, restez bien là, puisqu'on va faire péter une deuxième télé, évidemment. Hein, sinon, c'est pas drôle. Puisqu'on vous enfile trois par matinée sur Fun Radio. De quoi? Non, pas par la fenêtre, non. Voilà, on vous en fait péter trois. Oui, quelle belle vanne de haute voltige. Attention. Ah non, 7h16, on peut le comprendre. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Bon, dans un instant, donc, nouvelle devinette qui colle. Donc, restez bien là. Et puis l'horoscope, maintenant, c'est avec Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Doudou, mais vous dormez debout? Mais pas du tout, je réfléchissais. Ah, et on peut savoir à quoi? Bah, je me demandais, en Belgique, vous avez un gouvernement pour les Flamands, ouais. Un gouvernement pour les Flamands, et un gouvernement... Non, non, on en a un pour les Flamands, un pour les Wallons. Oui, et un gouvernement qui gouverne les deux. C'est à peu près ça, oui. Ah oui, d'accord, mais ça sert à quoi? Bon, on va pas rentrer là-dedans, on va commencer par... on va faire l'horoscope, hein, le premier ce matin, là, avec les béliers. Ah bon? Oui. D'accord. Bon, alors, les béliers, avec habilité, vous contournez les obstacles que les envieux mettent sur votre route. Oui, bah j'espère, j'essaye. Les taureaux. Vous êtes la star de cette journée. Les Gémeaux. Dépensez-vous en faisant du sport. Très bien, les cancers, comme je dis. Oh là là, si c'est possible, reportez votre travail à demain. Oh bah oui, bonne idée, voilà, je vais directement aller dans mon lit. Bah, bah c'est une bonne idée, bah tu vois, c'est une bonne idée. C'est ce qu'il y a de mieux à faire dans voilà. Votre cas. Bon, les Lions. Vous allez connaître des réussites financières, mais lisez bien les clauses écrites en petit caractère avant de signer. Les Vierges. Ne prenez pas que le stress dans votre entourage. Les Balances. Réglez un vieux problème, ne le traînez plus avec vous. Les Scorpions. Vous démarrez cette journée sur les chapeaux de roue et vous êtes invincible. Les Sagittaires. Soyez plus résolus, n'ayez pas peur des autres. Les Capricornes. Vous avez dû encaisser quelques échecs financiers ces derniers temps, mais et ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Les Verseaux. N'attendez aucun miracle aujourd'hui. Ah bah très bien, et bien on va les Poissons pour finir. Même si tout part dans tous les sens, vous êtes comme le rocher dans la vague déferlante. Très bien, bah voilà, bah merci beaucoup Doudou, on vous retrouve dans une heure. Mais oui, de rien, et bah voilà, et bah dans une heure, hein, ne bougez pas de là. Et puis à 7h18 sur Fun Radio ce matin, on va s'écouter le son de Mika, c'est Elle me dit sur Fun, bonne matinée. 7h18, c'est jeudi le 13 octobre, et c'est Mika à la radio jusqu'à 9h30. Mika sur Fun Radio à l'instant, c'était Elle me dit et je vais vous annoncer dans quelques instants la nouvelle devinette qui colle. La devinette qui colle, alors attendez, si mes souvenirs sont bons, je l'avais déjà, sinon je vous en prendrai une autre dans quelques instants. Ah oui voilà. C'est cylindrique, le bout rose et les femmes aiment l'avoir au bout des lèvres. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Et surtout, il y a l'écran plat à gagner ou alors le pack Nintendo Wii. Je répète, c'est cylindrique, le bout rose et les femmes aiment, adorent l'avoir au bord des lèvres. Surtout si vous avez... Oui, bah, non, pas forcément, non, ah non en règle générale. Souvent, en règle générale. Mais jamais. 63-22, si vous avez la bonne réponse, c'est 1€ le message. C'est cylindrique, le bout rose et les femmes aiment bien l'avoir au bord des lèvres, écran plat à gagner ou les packs Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes à l'intérieur. Voilà, et on en parlait en début de semaine, hein, c'était les producteurs de la Fox qui avaient demandé aux doubleurs prêtant leur voix aux personnages de réduire leur salaire de 45%, c'était les Simpsons évidemment, ce qui forcément ne leur a pas plu, mais finalement il y aura bien une 24e et une 25e saison, ce qui fera des Simpsons la série animée la plus longue de l'histoire. Et ce matin, pour en parler de cet accord historique justement, nous avons Omer qui est avec nous. Comment ça va Omer? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il n'y a plus d'argent à Springfield? Non, c'est pas ça le problème. C'est que les mecs qui prennent ma voix en anglais, ils prennent beaucoup trop de thunes dans les économies que grand-père a fait. Ah ouais. Si bien que depuis une semaine, Marge est obligée de faire les trottoirs. Ah, carrément? Donc vous prostituez votre femme? Eh, on était obligé de faire des sacrifices, hein. Regarde-moi, ça fait une semaine que j'ai plus bu une bière. Oui, enfin, en même temps, ça vous fera pas de tort, hein. Et alors, ce sera déjà ça d'économiser, cela dit, au passage. Des économies, ouais. Tu parles? Je perds mon froc tellement il est large et je pourrais même cacher Mimi Mati et Passepartout dans mes chemises. Oh, j'ai même arrêté le donut. Oh, merde! Bah alors, il vous reste quoi, Omer, alors? Oh, juste mes yeux pour pleurer. Et là, t'es lâche. Parce que Marge veut plus rien faire après le chef Wiggum. Oh, pinaise, quelle vie de merde, mon pote. Oh, mon pauvre Omer. En plus, t'as entendu? Quoi? Il voulait me tuer. Pourquoi hein? Pas Bart? C'est lui le méchant de la série. Ou Monsieur Burns. En plus, il voulait me faire mourir après avoir mangé un truc norvégien, là, je sais pas, un Chris Pratt. Mais c'est suédois. C'est Ikea, alors. Non, c'est suédois et ça se mange pas. Bon, bref. Bon, Omer, on va vous laisser aller chercher Marge rue d'Arscott. Alors, elle doit avoir fini sa nuit. Alors, vous repassez quand vous voulez, hein. Ok, dac, à plus, ma biche. Ouais, au revoir. Alors, c'est dur quand même pour le pauvre c'est là. C'est très difficile. Ah, bah, c'est ça. La vie de cartoon, c'est très difficile. Ah, non, mais franchement, ouais. Non, mais la misère peut toucher tout le monde. C'est vrai. Même quoi? Les dessins animés. Ah, la preuve, hein, la preuve. Non, franchement, c'est très dur. Moi, ça me fait de la peine. Ouais, tu crois qu'on va retrouver Omer drogué Peut-être. Dans un hôpital en désintox. C'est possible. Écoute, oui, c'est vrai que c'est possible. Bah, tout est possible. Comme Amy Winehouse. Ouais, c'est vrai. Bah, peut-être. Bah, je lui souhaite pas, cela dit au passage. Hein, mais ah, bon, non. Effectivement, on sait jamais, ça peut arriver. Bon, bah, dans un instant, Jason Derulo. Et puis, je vous rappelle la petite devinette qui colle. Vite fait maintenant, allez c'est parti. C'est cylindrique, le bout rose et les femmes adorent l'avoir au bord des lèvres. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, vous envoyez votre réponse au 6322, c'est 1€ le message, écran plat à gagner ou pack Nintendo Wii. Dans quelques instants, l'info arrive évidemment, comme chaque matinée, ce sera avec Julie, on aura encore une fois la ligne anti-relou tout à l'heure, et l'interview de Shaggy et Sahara, ce sera Champagne. Voilà, Sarah et Shaggy, c'est eux. Champagne.

Et quelle est l'info en plus? Alors l'info en plus qui fait un petit peu froid dans le dos. Je ne sais pas si vous connaissez donc le film français La vie est un long fleuve tranquille. Mais bien sûr. On en parle depuis donc ce matin. Et bien dans une famille russe, deux bébés ont été échangés. Donc je m'explique un peu. Le film La vie est un long fleuve tranquille, un film que je vous conseille parce que c'est un film drôle, raconte l'histoire, même si ça c'est beaucoup moins drôle, de deux enfants qui ont été échangés à la maternité et qui ont été donc donnés à des familles qui n'étaient pas les leurs, et donc dans une famille bourgeoise et une famille plutôt pauvre, les bébés avaient été échangés. Et bien en Russie, il y a une histoire similaire qui s'est passée, c'est que une mère s'est rendue compte que sa fille n'était pas son bébé. Comment elle en est arrivée à cette découverte? C'est que elle a divorcé de son mari, et le mari ne voulait pas payer de pension alimentaire, proclamant que l'enfant ne lui ressemblait pas, que c'était pas possible que ce soit sa fille. Donc la mère a été au tribunal, test ADN, etc. Et tu vas cracher, sale con, tu vas voir juge, ça. Voilà, et la juge s'est rendue compte que avec les tests ADN, la fille n'était pas... Attendez madame, ce n'est pas votre enfant non plus. Voilà, exactement. Vous l'avez volé ? Donc la mère a fait sa petite enquête, elle s'est rendue compte qu'à la maternité où elle avait accouché, sa fille avait été échangée avec une autre fille. Donc les familles se sont rencontrées, elles sont sous le choc, elles demandent 150 000 euros de dommages et intérêts pour réparation. Bon, une somme qui franchement ne va pas changer grand chose, parce que maintenant les petites filles ont 12 ans, je pense que le traumatisme il est fait. Ouais, c'est ça, c'est payé là maintenant. Hein. Et donc les mâles, elles se sont rencontrées et bon, elles ont décidé que chaque fille resterait vivre dans la famille dans laquelle elle a grandi, parce que c'est pas possible de commencer à les échanger maintenant, c'est trop tard. Donc bah oui, comme quoi, c'est clair. Ce sont des histoires qui peuvent se passer et ça fait froid dans le dos. Tu m'étonnes. Bon bah très bien. D'ailleurs, on va appeler les maternités tout à l'heure encore une fois avec Toff là pour leur demander, pour leur dire qu'effectivement il y a eu une erreur et que bon bah ça, qu'est-ce que je fais avec un enfant noir alors que je suis blanc. Suédoise. Mais oui, c'est ça, voilà. Donc effectivement, il y a un problème quelque part. On avait déjà appelé à Bruxelles tout à l'heure là qui nous ont dit écoutez, oui, bon, l'erreur est humaine, monsieur, qu'est-ce que vous croyez, hein, on est des êtres humains comme vous ouais, hein. On peut se tromper, hein. Donc on essaiera d'appeler à Liège dans quelques instants. Donc restez bien là, 7h33 sur Fun Radio. Bonne matinée. Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 et Jason Derulo maintenant, c'est Hit Girl sur Fun. Jason Derulo sur Fun Radio avec Hit Girl. Il est 7h36. Bonne matinée tout le monde. On va faire maintenant un petit Mickaël réveille la Belgique. Pour ce faire, nous avons avec nous évidemment Sébastien Loeb qui est en direct de je ne sais où. Hein, d'ailleurs, t'es où là, Loeb, apparemment là? Alors je suis à Bruxelles, donc je suis à Elsenboom-Lan. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. Ah, je ne sais pas non plus. Voilà, docteur de Crowley, à Uccle en fait. Donc, à Uccle, d'accord. Crowley, sinon, donc Elsenboom pour ta culture, ça veut dire l'arbre généalogique. Voilà, et pour la culture de Toff aussi, puisqu'il vient de le trouver sur internet. Mais oui. Parce que, tu sais, il arrive, c'est genre pour ta culture, blablabla. Il avait presque fait croire au monde qu'il était intelligent. Moi, je le laissais faire, moi, j'ai rien dit. C'est toi qui l'as cassé, c'est pas très gentil. Oui, c'est vrai, j'adore, parce qu'en plus, toi, tu me témoins, mais je vais checker un peu ça pendant que je te mords en telle. Ouais, après il se la ramène, c'est genre oui, je suis plus intelligent que toi. Ouais. Général, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, et donc hier t'étais à Bastogne, aujourd'hui à Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun Radio. Le but donc, réveiller le monde, réveiller le peuple, réveiller les auditeurs de Fun et d'autres radios d'ailleurs aussi. Hein. Donc on y va, c'est parti avec le mégaphone, comme d'habitude. Sébastien Loeb va gueuler. T'es habillé en lapin ou pas aujourd'hui? Non, je suis pas bien lapin aujourd'hui. Ah, pas aujourd'hui. Sans Freluche n'est pas là. Ah oui, c'est dommage. Bon, allez, c'est parti, on y va. Sans Freluche est fatigué. Bah voilà, oui. C'est parti. Il s'est acheté une voix aujourd'hui. Hein. Ah oui, non, là je sais pas ce qu'il a, mais. Ah, il est en belle forme. Hein. Et la sirène. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de flics qui tournent là ce matin, j'en ai croisé pas mal sur la route. Ouais, c'est toi qui cherchais. Il cherche la baronne, c'est pour ça. Je sais qu'il y en a un qui m'a arrêté. Hein. Bon, bah très bien. Alors, bon, on en parlera après. Bon, alors. Il y a des gens qui te regardent. Oui, mais c'est normal en même temps. Hein, quand tu vois un espèce de dingue là, qui est en bas de chez toi en train de hurler comme un dingue avec une sirène, tu te dis effectivement, je vais le regarder, il est bizarre ce garçon. Hein. Les gens me regardent, oui, c'est normal. Il y a des trucs pas très catholiques. Ils ont pas l'air sur compte, hein. Sans déconner, tiens. Bah, si, ouais, c'est génial, il vient de me réveiller, cette espèce d'idiot là, tiens. Bon, Lob, tu peux revenir à la radio parce que j'attends mon café là. Ouais. Tu passes à la boulangerie avant de revenir. Disons que j'ai pas de thune sur moi, donc ça risque d'être. Il a jamais de thune sur lui, comme par hasard. Quoi. Mais c'est pas grave, tu fais la manche sur le retour. Non, t'as qu'à aller dans une boulangerie, tu dis voilà, je fais de la pub sur Fun Radio si vous me filez les pains gratos. T'as qu'à essayer ça, c'est une idée, tiens. Bon, allez, Lob, à tout de suite. Ah oui, c'est pour être défi du jour, tiens. À tout de suite. Ouais, ça peut être un bon défi du jour, effectivement. 7h39 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde, dans un instant. Avicii qui arrive. Avicii, Florida sera Levels. Et il y aura aussi la réponse à la devinette qui colle, je vous la rappelle, dans quelques instants, ainsi que la ligne anti-relou. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 7h44 et nous allons faire un tour du côté de l'infotrafic maintenant. Que se passe-t-il sur les routes? Si du moins il se passe quelque chose. Alors accident sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur de Blény, c'est donc en direction de Bruxelles. Le passage est difficile au kilomètre 102.7. Accident sur le 40 Luxembourg-Namur en direction de Bruxelles à hauteur de Louvrange. La chaussée a été dégagée mais il reste des fils à cet endroit. Et puis objet encombrant sur le 40 Bruxelles en direction de Ostende à hauteur de Alst. C'est la bande de droite qui est obstruée par un pneu de camion. D'accord, donc faites gaffe si vous êtes sur la route actuellement et si vous êtes témoin d'un problème sur la route d'ailleurs, n'hésitez pas, apparemment ça bloque, mais comme d'habitude sur le 19 à Hall, c'est José qui nous avait envoyé le message par SMS au 3044 et bon, ça doit bloquer aussi sur l'arrivée. Je parle pas bien sûr de tous les grands axes pour rejoindre. Oui, voilà, c'est ça, le 411, blablabla. D'habitude, voilà, exactement. Prudence. Exactement. Bon, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, en tout cas, 3044, 50 centimes le message, que ce soit un bouchon, un accident ou même un radar, prévenez les autres auditeurs de Fun. Je suis certain que vous, ça vous ferait plaisir d'être tenu au courant. Et puis on va se faire la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio à 7h, 8h et 9h moins quart. Et donc, comme chaque matin, on écoute les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou. La ligne anti-relou, le principe est relativement simple. Vous tombez sur un relou en soirée, chez des copains, chez des copines, même dans le tram, dans le métro, peu importe. Et à la place de lui donner votre numéro de téléphone pour qu'il vous lâche la grappe, eh bien, donnez-lui le nôtre. Comme ça, du coup, dès qu'il va rentrer chez lui, il va être content, il croira avoir fait la bonne affaire du siècle. Sauf qu'en fait, bah forcément, ce sera pas du tout le cas puisqu'il va tomber sur notre répondeur et nous, on va se marrer le matin. Voilà, et on va vous faire profiter de ce moment aussi. 0-473-86-00-13. Écoutez le premier message de ce matin. Salut, ça fait 3/4 d'heure que je t'attends. Je n'ai toujours pas là. Ouais. Je suis sur le terrain de l'Imélie. J'espère que je me suis pas trompé d'adresse. Sinon, rappelle-moi. Allez. Mais alors le problème c'est qu'il se rend pas compte que la meuf en a rien à foutre, c'est qu'il pense s'être trompé d'adresse. Ouais, tu vois, c'est ça qui est bien. Tu vois, donc il va encore rappeler, tu vois, et ouais, ça va être dur quoi. Bon, allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Oui, bonjour, c'est pour te dire merci pour cette soirée qu'on a passée ensemble. Je trouve que on a bien mangé, surtout saucisse compote purée, c'est vraiment ce que je préfère. Maintenant, si tu veux manger une autre saucisse plutôt différente que celle qu'on a mangée hier, on peut se voir quand tu veux. Tu m'appelles, allez, salut. Il est très très bon. Ah, bah lui, c'est le winner of the world, winner de la semaine, winner of the week. Ah, oui, là je lui donne ma médaille. Là. Ah, ouais, ça, franchement, c'est... ouais. Yo, si on a mangé une saucisse compote, c'était bon. Si tu veux manger une autre saucisse, un peu différente, tu n'hésites pas. Et il croit vraiment plaire à la fille comme ça, la Ça va l'exciter. Attends, Julie, si je t'appelle et que je te dis, voilà, une saucisse, ça va te dire, ah oui, saucisse. Ça va t'exciter. Ah, mais ça va être très très normal parce que moi, pas du tout en fait. Mais c'est pas probablement moi qui ai un problème. Ouais, tu dois pas être normal. Ah, oui, non, je pense. Tu dois vraiment pas être normal. Bon, allez, dernier message. De Storcy. Allô, salam alaikum. C'est le garçon, là, notre Joe, qui était venu au dépôt, qui est rentré au tournette. Et il m'a demandé ton numéro, Ahmed. Il m'a donné ton numéro. Moi, je vois ton téléphone, il est éteint. Allume-le vite, parce que moi, il faut que je te parle. Parce que t'es une belle fille. Parfait. Mais t'es une belle fille, tu vois. T'es une belle fille, Julie. Alors c'est pour ça que je te parle, tu vois. Si t'avais été moche, tu serais pas venu te parler, tu vois. Ah ben ok, ça va. Voilà. Merci. Comme ça, moi, c'est... Voilà, comme ça, moi, c'est plié. Non, et puis surtout, c'est tellement classe. Ah oui, non, mais oui, c'est vraiment... C'était magnifique. Ah oui, c'est super classe. Attends, mais c'est génial. Bon, voilà, retour de la ligne anti-relou. Ce sera bien sûr tout à l'heure, dans moins d'une heure. Restez bien là. Et puis, message aussi qui est arrivé. Où est-elle? Merci. Attends, c'est quoi? Où est-ce qu'elle est? Ah oui, voilà, c'est ça. Bonjour, c'est Agnès. Je vous envoie un petit message parce que ma collègue Margaret n'est pas encore arrivée. Et je sais qu'elle écoute la radio en voiture. Où est-elle? Merci et bonne journée, l'équipe. Mmh. Et Julie est super. Où es-tu? Oh, Dieu, la mignonne. Ah oui, t'as vu, elle est critiquée. Où es-tu, Margaret? Eh oui, où est Margaret? On va la rechercher, tiens. Et puis, bouchon sur la E42 à hauteur de Chapelle-les-Herlaimont. Bouchon sur la E42 aussi au niveau de la sortie de Blény. Accident grave apparemment. Merci à vous en tout cas. Vous êtes nombreux apparemment sur la E42 ce matin. Donc bon courage et puis restez à l'écoute de Fun. Là, 7h48, on va s'écouter le son de Avicii avec Florida Levels. Et puis juste après, on appellera les maternités pour les faire chier. Enfin, pas vraiment pour les faire chier, mais pour se poser la question de savoir si une erreur entre bébés est possible comme ça s'est passé en Russie, quoi. On vous explique dans un instant. Restez sur Fun. Le son d'Avicii sur Fun Radio avec Florida, c'était Levels, petit remix sympathique à 7h51. On va donc appeler les maternités dans quelques instants, mais avant cela, bien sûr, je vous rappelle la petite devinette qui colle. La devinette qui colle de ce matin, évidemment, c'est encore pour repartir avec un écran plat, puisqu'on en a un à vous filer chaque heure sur Fun Radio le matin entre 6h et 9h30. Et la possibilité aussi de repartir, si vous le souhaitez, avec le pack Nintendo Wii. Attention, la devinette qui colle, c'est cylindrique, le bout rose et les femmes aiment bien, adorent l'avoir au bord des lèvres. Qui suis-je ou que suis-je? Ça sert à les rendre parfois plus belles. Ou moins belles, hein, parce que ça dépend. Il y en a qui abusent un peu. Comment tu appliques ce genre de choses? Ouais, hein, il y en a qui abusent et du coup ça ressemble à des. Tu ressembles vite à une prostituée. Hein. Oui, c'est un peu ça, effectivement, oui. Bulgare, en plus. En plus, voilà. Bon, d'ailleurs, en parlant de Bulgare, on va recevoir également tout à l'heure Shaggy et Sarah. Et alors, elle, par contre. Ah bah, elle est bien bulgare. Hein. Allez. Ah c'est du... pas, ça va aller. Ah ouais ben bah, non ben bah, ça va, respire, ça va bien se passer. Non mais bah, t'inquiète pas, moi je vais bien. Hein. Moi je vais très bien. Bon allez, on appelle encore une fois maintenant. Ah oui, si vous avez la bonne réponse pour les lignes, donc 6322, débutez le message avec la réponse et on vous appelle peut-être d'ici quelques instants pour vous offrir votre écran plat ou votre pack Nintendo Wii. Bon, on rappelle les maternité, puisque je rappelle que c'est en Russie que ça s'est passé. Dans une maternité, bah, il y a 12 ans, ils ont échangé deux enfants. Du coup, ces deux enfants ont grandi dans la mauvaise famille. Et aujourd'hui, dû au divorce d'un des deux parents, d'un des deux couples, eh bah, ils se sont rendus compte de la supercherie. Et donc, bah, Toff a appelé tout à l'heure à Bruxelles pour demander si effectivement c'était possible que son gosse soit pas vraiment son gosse. Et on lui dit, bah, écoutez, ça peut arriver. C'est possible, hein. C'est-à-dire que bon, on est des humains comme les autres, hein, on peut faire des erreurs. Donc j'ai dit qu'on appellerait à Liège, donc appelons à Liège maintenant. Hein. Allons-y. Allez, c'est parti. Allons à la citadelle. Bah oui, allons à la citadelle de Liège maintenant, c'est parti, on y va. On appelle à Liège. Voilà. Est-ce qu'ils vont répondre pareil? Probablement. Accueil Saint-Joseph, bonjour. Oui, bonjour, j'aurais souhaité la maternité, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, ne raccrochez pas. Merci. On n'entend rien, j'espère que l'autre il va avoir un bon téléphone, parce que là... Autant en Bruxelles tout à l'heure, c'était nickel. Allô? Ah. Oui, allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, voilà, en fait je vous appelle pour savoir si il vous est déjà arrivé de vous tromper sur des enfants. Je comprends pas votre question. Mais est-ce que vous auriez pu inverser deux enfants? Chez nous? Oui. Et vous pensez qu'on l'a inversé? Ben écoutez, parce qu'au début je pensais que peut-être ma femme aurait été voir ailleurs et que bon voilà c'est pour ça et donc je ne m'inquiétais pas, mais je trouve que de plus en plus il ne lui ressemble pas non plus. C'est sa première fois qu'on me pose une telle question. Oui. Franchement. Jusqu'à hier, je vous avoue que ça ne m'avait pas traversé l'esprit, mais j'ai lu un article sur un enfant qui a été inversé. Donc je me demandais si ça n'aurait pas pu m'arriver aussi, vous comprenez? Jamais arrivé depuis 31 ans que je travaille. Ah oui, donc ce serait peut-être ma femme qui se serait trompée alors. Vous comprenez, elle l'aurait posé avec côté d'un autre et elle serait repartie avec... Non, ça ne se fait pas, monsieur. On ne pose pas un enfant à côté d'un autre. Les enfants vont directement avec leur maman dans leur chambre. Bon, vous pensez que ma femme aurait pu aller voir ailleurs, alors? Je ne dirais pas ça, monsieur, ce n'est pas à moi de le dire. Non, mais au début, vous comprenez, je ne voulais pas faire de scandale, ma femme a été voir ailleurs, ce sont des choses qui arrivent. Mais là, je me dis que peut-être, j'ai mis des soupçons sur ma femme qui n'étaient pas fondés. N'oubliez pas qu'elle est héréditée aussi, monsieur, de même, ça peut venir de... Les enfants peuvent ressembler à des grands-parents d'il y a longtemps, hein? Oui. Donc, Oui, mais parce que, bon, voilà, moi je suis blanc et là il est quand même très... Enfin, il est mat, quoi. Il faut voir dans la famille, monsieur. Ah oui. Votre famille, dans sa famille, des fois il y a de la famille qui... Ça remonte à plusieurs générations. Ah oui, oui, oui. Ah oui, donc... On ne connaît pas. Ah oui. C'est déjà arrivé, sans que pour cela il n'y ait eu quoi que ce soit. Ah oui. Donc, bon, vous pensez que ma femme pourrait peut-être être fidèle quand même, alors? Tout à fait. Ah oui. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Hein. C'est gentil d'avoir pris le temps et puis c'est gentil de m'avoir rassuré. Hein. De rien, monsieur. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Ah, ils sont plus rassurants à Liège, hein. Ah oui, chez eux, ça n'arrive jamais. Autant à Bruxelles, ça peut arriver. Ah oui, chez les connards à Bruxelles, dans la capitale, c'est les cons. Mais à Liège, ça n'arrive pas. Ah, mais vous avez remarqué quand même, elle est pour la paix des ménages. Hein. Ah ouais. Je suis arrivé, ma femme m'a peut-être trompé à la femme. Mais non. C'est l'hérédité, monsieur. Oui, c'est ça, oui. Ouais, mais il est noir et moi je suis blanc. Oui, non, mais regardez. Les grands-parents d'il y a longtemps. Oui, donc les arrière-grands-parents éventuellement, oui. Non, mais vous inquiétez pas, ça peut pas arriver. Il n'y a pas de problème. Oui, mais enfin, il est quand même asiatique et noir. C'est normal, c'est ça, oui, c'est bizarre. Ouais. Bon, allez, parlons d'autre chose. Oui, dans un instant, dans moins d'une heure, on appellera. Cette fois-ci, on ira à la Louvière. Oui. Voilà, on ira à la Louvière, on ira voir un petit peu comment ça se passe là-bas. On va voir si là-bas ils échangent les bébés. Bah, je sais pas, mais on va voir. Et puis, gros bouchon de Herve à Liège sur la E40, ah dû oui, à un accident. Il est long alors s'il va de Herve à Liège. Ah ouais, merci ouais, à Fun de me soutenir. Bah, écoute, bon courage à toi, puis bon courage à tous ceux qui sont dans le même bouchon que toi ou dans un autre bouchon, en fait, peu importe. Je vous rappelle que si vous êtes témoin d'un accident, d'un bouchon, d'un problème sur la route, n'hésitez pas à venir nous en parler. 3044 par SMS et 50 centimes le message. Ou alors vous nous faites un petit mail, mikl@funradio.be. Tout à l'heure, on aura l'interview de Shaggy avec Sahara. Faudra bien rester là. Et puis. Mikl à la radio. Oui. Mikl à la radio. D'accord. Soprano. Oui, bonjour Soprano. Mikl, mais j'ai pas fini de parler par contre. Hein. C'est gentil. Mikl, hein. Vu que tu fais le séducteur là au micro, c'est bizarre que tu es entouré que d'hommes dans ton équipe là. C'est un peu bizarre. Hein. Oui, ah ça. Bah merci. Bah, à la radio. Ça fera plaisir. Mais la prochaine fois, tu demandes avant de parler, Soprano. Hein. C'est pas parce que tu fais de la chanson que tu peux débarquer avec tes colombes là. Hein. Hein. Tu perçais bien clair dans ta tête là. Hein. Bon, je disais donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, que la semaine prochaine, il y aura du très très lourd au niveau des cadeaux. Donc restez bien là, on sera encore une fois promis sur le coup. Ouais. Ah, mais comme toujours. Bah oui, non, mais je veux et dire. Et là, c'est quand même assez énorme. Mais réfléchissez bien. Très, très, très jalouse. Sur quoi on pourrait être premier sur le coup, sachant que le dos vient de sortir. On n'est même pas sorti encore. Non, non, non, non. Il y a déjà des listes d'attente. Voilà. Phénoménal. Je crois qu'il y en a 1 million qui ont été commandés. Plus d'un million en 24 heures qui ont été commandés. On sera les premiers sur le coup, encore une fois, à vous les offrir. Et Fun Radio vous offre un parpaing. Non, non, pas du tout. Non. Voilà. Bon, je n'en dis pas plus. Quoi qu'il en soit, dans un instant, on aura encore des cadeaux aussi. Écran plat, bien sûr. Et Maroon 5 qu'on écoutera aussi dans un instant. Maroon 5 avec Christina Aguilera. Avec Move Like Jagger sur Fun Radio. Et l'info de Julie aussi, ça arrivera dans quelques secondes. Restez bien sur Fun Radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Cet hiver, plus question de... Jusqu'à fin octobre, à l'achat de 4 pneus hiver, Auto 5 vous offre 25 euros en bon d'achat. Qui dit Auto, dit Auto 5. Ouais, bah si je peux me permettre, d'ailleurs, Julie, si tu peux aller chez Auto 5 mettre des pneus hiver, parce que vu l'état de ta voiture en été, j'ai très peur pour l'hiver. Hein. Écoute, c'est plutôt les autres qui devraient mettre des pneus hiver pour arrêter d'emboutir ma bagnole. Ah, parce que bon, dans l'état où elle est, alors qu'on sort de l'été, tu me dis, oh là là, en hiver. Qu'est-ce que ça va être, ça va être très dur. Pour moi, l'avantage, c'est que ça lui fera pas mal au cœur de la rayée encore un peu plus. Ouais, c'est clair. Ouais. 7h58 sur Fun, avant les autres. Bah là aussi, on est les premiers sur le coup, merde, il y a un moment, faut s'arrêter quoi. L'info avec Julie. Salut à tous, drame social. Salut. Drame social à Liège, ArcelorMittal ferme les hauts fourneaux. Les syndicats sont en colère et les politiques sont stupéfaits. Cela représente une menace directe pour près de 1000 travailleurs et 3000 emplois indirects sont concernés. Concrètement, ce sont les deux hauts fourneaux d'Ougré et de Serein, ainsi qu'une bonne partie du site de Chertal qui sont concernés par les fermetures. La procédure de licenciement collectif a été lancé. De leur côté, les syndicats promettent la riposte et Willy Demeyer, le bourgmestre socialiste de Liège, appelle les forces à s'unir aux côtés des travailleurs. Politique, Elio Di Rupo ne s'est pas rendu chez le roi hier. Trouver une coalition est très difficile d'après sa porte-parole. Le débat sur la future coalition porte essentiellement sur la présence ou pas des écologistes d'Écolo et de Groen. L'OpenVLD et le CDNV ne veulent pas des Verts dans le nouveau gouvernement. Le formateur poursuivra ses entretiens avec les présidents de parti aujourd'hui, tandis que de son côté, la NVA critique l'accord conclu et la sixième réforme de l'État. L'Union européenne veut instaurer une taxe sur le diesel à partir de 2013. Coût estimé par automobiliste 600 euros par an. Le diesel deviendrait ainsi plus cher que l'essence. Inacceptable, clame la FEBIAC, qui redoute un impact de cette taxe sur les professionnels qui doivent effectuer de longue distance. À la STIB, le ticket unique pourrait passer à 2 euros et le ticket un voyage devrait même coûter 2,50 euros s'il est acheté dans le bus. Une note définissant les contours de la nouvelle grille tarifaire aurait été approuvée mardi dernier par le comité de gestion de la STIB. Cette grille doit encore passer par deux stades de négociation pour être adoptée. Le ticket unique coûtait 1,70 euros en 2010 avant d'augmenter déjà cette année de 10 centimes. Scarbeck est la seule commune bruxelloise où la criminalité est en baisse constante et ce chaque année depuis 2002. Le nombre de faits recensés sur la période 2002-2010 a baissé de 29,37%. Dans l'ensemble, la région bruxelloise connaît une tendance à la baisse sur 8 ans. Ixelles et Oudorgem sont par contre les deux seules communes où la criminalité est en hausse. À Los Angeles, au moins 6 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une fusillade survenue dans un centre commercial hier après-midi. un homme a fait irruption dans un salon de coiffure et a ouvert le feu. Le suspect, qui semble avoir agi seul, a été placé en garde à vue après avoir été repris à moins d'un kilomètre de la scène du crime. La police a découvert plusieurs armes dans son véhicule. Le mobile du crime reste inconnu. Et puis en Indonésie, un séisme de magnitude de 6 sur l'échelle de Richter est survenu au large de Bali sans que des dégâts ni de risque de tsunami ne soient signalés. Très bien. Et alors, ça vient de tomber. J'ai un petit peu de mal, là, mais c'est le gagnant, là. Vous vous souvenez de l'euro million qui avait gagné les 160 millions dans le Calvados en France? J'ai pas osé de te l'annoncer. Bah voilà, il vient d'aller chercher son pognon, là. Ouais, et moi, je soupçonne que le gars intelligent a attendu, en fait, avant d'aller le chercher. Pour pas que, comme on a tout le monde a dit que c'était dans le Calvados, pour pas que ses voisins, se posent des questions. Enfin, ils vont le voir à un moment, je pense. Hein. Mec, il va arriver en Audi R8 avec 17 Ferrari, une pour chaque jour, tu vois. Oh, j'allais dire, parce qu'une Audi, je crois que tu peux te payer plus que ça quand tu gagnes 162 millions d'euros. La R8, elle vaut quand même plus que la Ferrari, hein, donc ça dépend laquelle, on va dire. Ouais, bah, mais bon, bah, 8h02 sur Fun Radio, tant pis, nous on restera pauvres. Hein. Voilà, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Bon, allez, c'est pas grave, ce bouton ne marche plus de nouveau. Pourtant, on m'a dit qu'on l'avait remplacé hier. Bon, 8h02 sur Fun, la météo. La matinée est encore grise, si vous avez déjà ouvert les yeux ce matin, vous avez pu le constater, mais le soleil arrive déjà sur le littoral. Cet après-midi, on attend de belles éclaircies sur tout le pays. Température en baisse jusqu'à 15 degrés demain, toujours du soleil, et ce week-end est aussi très ensoleillé. Ouais, mais alors ce qui est bien, justement, c'est qu'aujourd'hui, là, pour l'instant, il fait dégueulasse et que même s'il a ses 162 millions d'euros, eh ben, il fera quand même dégueulasse au-dessus de sa tronche. Voilà, parce qu'il ne peut pas acheter la météo. Voilà. C'est ça. Ça te fait du bien, Mickaël? Ouais, je suis assez content, là. Ça va. Ouais, mais par contre, il vient de s'acheter une villa au bord de la mer. Ah oui, il peut aller chercher quand même le soleil, en fait. C'est vrai. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h03 sur Fun Radio, dans un instant, on vous remboursera vos factures comme d'habitude. 6322, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, une facture qui vient de tomber, 211 € pour le chauffage, 30 € pour Internet, 61,66 € pour une commande de chez 3 Suisses. Il y a quoi aussi? 110 € pour les Cravel, 90 € pour Meissan, d'accord. C'est Meissan, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il veut. 99 € pour un GPS, 100 € pour l'Internet et la télé. Bref, si vous aussi, vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, comme tout à l'heure, c'est tombé d'ailleurs, 7h10, on refait péter le couvert dans un instant, dans moins de 5 minutes, 6322, code facture, enfin vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et l'info en plus, c'est laquelle? Eh bien, c'est un Français qui a battu le record mondial. Mais le record mondial de quoi? Eh bien, vous chaussez du combien? Votre pointure, c'est quoi? 42. Ouais, 42, 43, ouais. Eh bien, lui, vous êtes vraiment des petites mauviettes. Lui, il fait quand même du 58. Oui, mais je préfère être une mauviette. 58. Alors, sa pointure de chaussure, c'est du 58. Donc, c'est énorme. C'est pas mal. C'est un jeune Marocain, donc, de 29 ans. Enfin, il vit en banlieue, donc, parisienne. Et il passe donc difficilement inaperçu parce qu'il mesure, parce qu'on se doute bien que pour avoir du 58, il mesure 2m46. 2m46. C'est énorme. Et il a battu non pas le record mondial de l'homme le plus grand, parce qu'il y a plus grand encore que lui, mais en tout cas de l'homme qui a les plus grands pieds. Donc il chausse du 58 et ses pieds font 38 cm. Putain. Et puis l'avantage, c'est que pour faire de la plongée, il n'a pas besoin de palme. Ah ouais, c'est clair, non, effectivement. Ça, c'est sûr. Et on dit bien, il souffre d'une maladie. Hein. Il a appris à l'âge de 18 ans qu'il souffrait d'une maladie exceptionnellement rare. C'est l'acromégalie, qui touche une personne sur 20 000. Donc il n'a pas arrêté de grandir, quoi. C'est un truc de dingue, un truc de fou. Truc de fou, ouais. Bon, 8h05 sur Fun Radio. Les factures, on vous les rembourse dans un instant. Et puis un message qui dit, c'est cylindrique, le bout rose et les femmes adorent la voir au bord des lèvres. C'est la devinette qui colle. On donne la réponse dans 5 minutes. Et quelqu'un qui proposait quand même une bague de fiançailles. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous avez la bonne réponse, 6322, je suis témoin des connards sur la route et il y en a marre, c'est à Maurice de Bruxelles. Oh bah là, mon pauvre, hein, c'est-à-dire que si on devait parler de tous les connards sur la route, on ferait que ça. Hein. Ouais, surtout moi. Ah ouais, ce serait bien bien dur. Hein. Allez, Maroon 5 sur Fun Radio, en attendant de payer vos factures dans 5 minutes, même pas 5 minutes, juste après Maroon 5 et Christina Aguilera, on vous appelle en direct chez vous pour vous rembourser cash vos factures. 6322, code facture, bonne chance. C'est Moves Like Jagger maintenant sur Fun Radio, 8h06. C'est Fun Radio et Christina Aguilera à l'instant. Il est l'heure maintenant à 8h09 de payer des factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est tous les matins sur Fun Radio. 7h10, 8h10, 9h10. On vous appelle en direct sur Fun pour vous rembourser vos factures. Et on appelle... où est-ce qu'on appelle? C'est un bordel sans nom dans le standard. Je ne sais absolument pas qui prendre. Tu vas prendre la 2. La 2, d'accord, ok, très bien. Allez, si il ou elle décroche et qu'elle répond bien à la question, c'est gagné. Alors... on y va, ça va bien se passer. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? C'est Fun Radio. Bah oui, avec la radio derrière, on avait deviné. Bravo, bravo. Combien vous remboursez cette offre d'ailleurs? 30 euros. Très bien. Bon, comment tu t'appelles? Kevin de Taille. Comment tu dis? De Taille Kevin. Ah, Kevin. On a son nom de famille et son prénom. Oui. Kevin. Bonjour Kevin. Kevin, très bien. Kevin, t'es dans quelle ville, Kevin? Je suis de Verviers. De Verviers, très bien, magnifique. Et ben Kevin, bravo à toi, on va te rembourser. Tes 30 euros, c'est pour payer quoi les 30 euros? C'est pour payer ma facture internet. La facture internet, eh ben voilà, t'auras un mois d'internet gratuit grâce à Fun, comme ça c'est cool. Eh ben écoute, avec plaisir, on va t'expliquer aux antennes comment ça fonctionne pour qu'on puisse te rembourser ça très rapidement. Ben je t'en prie, salut Kevin, à bientôt, il passe une bonne journée à Verviers. Et puis ben, les autres, si vous voulez faire pareil, si vous voulez faire comme Kevin, qu'on vous rembourse vos factures, eh ben c'est facile, suffit de vous inscrire maintenant 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture et on vous appelle tout à l'heure encore une fois avant la fin d'émission pour vous rembourser cash votre facture. C'est aussi simple que ça. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle, je vous la rappelle une dernière fois parce qu'on va faire ça juste avant l'horoscope. C'est cylindrique, le bout rose et les femmes adorent la voir au bout des lèvres. En général, c'est pour les embellir. Quoique ça peut aussi les enlaidir hein, si elles le font mal. 63-22 par SMS, 1€ le message. Écran plat à gagner ou les consoles Nintendo Wii avec les manettes et les jeux qui vont avec. Et on va s'écouter le son de Jay-Z et Linkin Park maintenant. C'est Numb sur Fun. Jay-Z Linkin Park sur Fun Radio à l'instant, c'était Numb. Il est 8h14, dans un instant c'est l'horoscope. Mais avant cela, nous allons donner la réponse et la devinette qui colle. Et pour jouer avec nous, il y a Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Comment ça va Angélique? Ben ça va bien, merci. Bon, cette voix joyeuse et tout, ça fait plaisir. Tu travailles aujourd'hui? Oui, je viens déposer ma petite à la garderie puis j'y vais. D'accord, tu fais quoi dans la vie? Je suis femme de chambre dans un hôtel. D'accord, ah, ok. Fais attention à toi. Sophie-t-elle? Je nettoie les chambres. Hein. Ouais, non, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, il y a pas de nettoie les clients parfois aussi. C'est ça. Oui, c'est ça, pour ça que je le dis. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça qu'elle est contente. Hein. Ah, bon, contente. T'as 37 ans, t'appelles de binge, donc Angélique, et tu as la réponse à la devinette qui colle. Je vais la répéter immédiatement une dernière fois. C'est cylindrique, le bout rose et les femmes aiment, adorent même la voir au bord des lèvres. Qui suis-je ou que suis-je? Un rouge à lèvres. Bah oui, en toute simplicité, effectivement. Bravo à toi, Angélique. Eh ben, merci. C'est gagné. Tu vas choisir quoi? Écran plat ou pack Nintendo Wii? Un écran plat parce que j'ai déjà la Wii. Ah bah écoute, ah bah, ouais, ça c'est payé, tiens. Il n'y a pas de problème, hein, on va t'envoyer l'écran plat. C'est le deuxième qui part ce matin, hein. C'est bien. Et on mettra un troisième en jeu dans quelques instants, d'ailleurs. Eh ben, gros bisous, Angélique. Au revoir, bisous. Salut ta-ta. Angélique, à bientôt, ciao, bye bye. Bon bah voilà, une bonne chose de faite. On remet le couvert dans un instant au niveau des écrans plats justement avec une nouvelle devinette qui arrive dans pas longtemps. On aura la déclaration express également. Mais avant cela, bien évidemment, le moment que bah, au moins une personne attend, c'est-à-dire Doudou, c'est l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Tiens Doudou, vous faites les filtres d'amour vous? Évidemment, pourquoi? Vous avez en point de jouer quelqu'un, la femme de votre vie peut-être? Non, c'est pas pour moi, c'est pour Sébastien Loeb. Je crois qu'il se passe quelque chose avec la nouvelle stagiaire. Là. Ah bon, il y aurait comme ça, comme du fricotage entre les deux? Ah bah, c'est-à-dire qu'il y a plus que ça, il se quitte plus. Ah, mais alors c'est pas un filtre d'amour qu'ils ont besoin, c'est un filtre à fuite corporelle, hein. Ouais. Mais pour ça, pas de problème, j'ai des préservatifs. Ah bah merci Doudou, je savais qu'on pouvait compter sur vous. Hein. Ah bah oui, avec plaisir. Bon, allez, les béliers, on va commencer par eux. Alors les béliers, avec habilité, vous contournerez les obstacles que les envieux mettent sur votre route. Les taureaux, vous êtes la star de la journée. Très bien, les gémeaux. Dépensez-vous en faisant du sport. Les cancers. Si c'est possible, apportez votre travail à demain. Ah, oh, mais très bonne idée, c'est Doudou, je crois que je vais tous vous laisser. Mais oui, voilà, c'est une bonne idée. Mais les lions. Je vois bien, tu es fatigué. Mais oui. Alors, les lions, vous allez connaître de la réussite financière. Mais lisez les clauses écrites en petits caractères avant de signer. Les vierges. Ne prenez pas à cœur le stress de votre entourage. Les balances. Réglez un vieux problème, ne le traînez plus avec vous, c'est fini. Bon, les scorpions. Vous démarrez cette journée sous les chapeaux de roue et vous êtes invincible. Les sagittaires. Soyez plus résolus et n'ayez pas peur des autres. Les capricornes. Vous avez dû encaisser quelques échecs financiers ces derniers temps. Mais ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Les verseaux. N'attendez aucun miracle aujourd'hui. Et enfin les poissons. Même si tout part dans tous les sens, vous êtes comme le rocher dans la vague déferlante. Très bien, merci Loulou, on vous retrouve dans une heure. Mais oui, avec plaisir. Et on va se faire dans un instant la déclaration express avec Sébastien de Liège. Et en attendant, on s'écoute le son de Lucenzo sur Fun Radio. Lucenzo et Don Omar, c'est Danza Kuduro. Il est 8h18, bon réveil tout le monde. Danza Kuduro. Et si vous aimez ce style de musique, Lucenzo et Don Omar, Rancard, dès demain soir à partir de minuit sur Fun Radio, c'est l'Invasion Latina avec Manu. Les meilleurs sons latinos qui sont sur Fun Radio. 8h21 sur Fun Radio, c'est jeudi le 13 octobre ce matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si jamais il fait dégueulasse au-dessus de votre tête, rassurez-vous, ça devrait se dissiper tout à l'heure. On en parlera d'ailleurs avec Julie dans les infos d'ici quelques instants. On aura aussi côté musique, Mister You avec DJ Abdel, ce sera Thank You sur Fun Radio. Et puis nous avons maintenant évidemment la petite déclaration express, c'est avec Sébastien que ça se passe. Salut, salut Seb. Sébastien. Bonjour. Ah voilà, ça va bien Seb? Oui, ça va. En pleine forme. Bon, bah tant mieux. Sébastien, tu as quel âge et tu appelles de Liège en l'occurrence, mais t'as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, très bien. Et c'est 99 FM pour écouter Fun Radio dans toute la cité ardente. Ouais. Eh oui, exactement. Bon, on va faire la déclaration express. La déclaration express, comment ça se passe? On va appeler qui? Ah, on va appeler Jade. D'accord. De Namur. Alors, j'ai rencontré sur Nextlog. D'accord, ok. Alors Jade, comment ça se passe? Donc c'est déjà ta copine? T'aimerais que ce soit ta copine? Comment ça se passe? Ouais, j'aimerais que ce soit ma copine en fait. D'accord. Voilà. Ouais. Ah ça oui, ok. Tu as l'air d'y croire, tiens. Ouais, ouais. Ça a l'air. Hein. voilà. Ouais. Voilà. Ah, tu fais bien. Est-ce que c'est lui qui nous a laissé un message? Peut-être. Relou, tu te rappelles le relou là qui laissait que des. Oui, oui, c'est vrai, peut-être. Ou alors c'était The Grudge. Ah peut-être. Bon allez, lançons-nous, appelons-la. Bon allez, c'est parti, on va l'appeler, elle s'appelle Jade. Donc tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire. Et dès que... Et bonne chance surtout hein. Ouais voilà, c'est ça, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire. Et puis après tu lui dis écoute et nous on dégaine, d'accord. Et l'op fera le travail. Ouais. Et l'op fera la chanson. Validée par Julie la chanson validée aujourd'hui ou pas? Validée par moi-même. Oh, donc on va se faire chier. Allez. Non, pas du tout justement. Allez, c'est parti. Merci. Moi je quitte ce studio. J'ai vraiment pas comprise. Oh c'est ça. Tout de suite les grands mots. Allô? Allô, bonjour Jade. Oui. C'est Sébastien. Écoute, c'est pour toi. Oui, voilà. Une petite musique romantique. Eh oui, The Calling. Ça doit faire quelques jours que j'ai envie de te faire l'amour, même si on se connaît pas. T'inquiète, on mettra une podcast. Non, je veux pas te faire de marmots. Non, j'en ai déjà de trop. Je déconne des voix, je deviens sot quand je vois tes photos. En maillot, je deviens chaud comme des SK ou comme Silvio. Si je pouvais te rencontrer, tu ne pourrais pas le regretter. Eh ben voilà, wow. Cette petite déclaration express. Ouais. Belle performance de l'homme. Qu'en as-tu pensé, Jade? Je sais pas trop, là, tout de suite. Réfléchis. Eh ben oui, réfléchis. T'as quel âge, Jade, au fait? J'ai 18 ans. 18 ans, très bien. Et toi, Sébastien, t'as quel âge? 23 ans. D'accord, ok, bon bah ça va, 5 ans c'est pas encore. Mais Jade, c'est une bonne affaire, hein. Sébastien, il est plus majeur que toi, il a peut-être une voiture, de l'argent, enfin tu vois, c'est toujours intéressant. Il faut au moins 5 ans de différence pour avoir un minimum de maturité. C'est faux. Moi je suis sorti qu'avec des filles plus âgées que moi. Ah ouais, tiens, ouais. Les cougars quoi, t'aimes non, les cougars. Non, bah non, elles avaient si, un an de plus. Ça va, tu enfin, bref, je peux t'en présenter. Bon, non, ça verra. Ah, bon. L'op, c'est toi qui parle hein, quand bon. On parle de cougars. Jade. Oui. Bon, alors, donc ça reste quand même dans les tuyaux quoi, c'est possible, mais c'est pas sûr, mais c'est possible. Mais c'est possible, ouais. D'accord, ah bah voilà Seb. Hein, c'est une affaire qui roule. Bah on verra. Ah bah on verra. Bah tenez-nous au courant, hein. Bon, je sais que vous le ferez pas comme tout le monde, mais je le dis à chaque fois, on sait jamais. Sébastien et Jade, passez une bonne journée tous les deux, à bientôt. Merci. Salut à vous, bye bye. Bon bah très bien, bah voilà une bonne affaire qui roule, tiens. Si vous voulez aussi faire une déclaration express, n'hésitez pas à vous inscrire, 3044, débutez le message par déclaration, hein. Ou alors vous envoyez un mail directement à lobe@funradio.be. Et quand Julie disait belle prestation de Sébastien Lobe, faut pas croire, hein. C'est parce que c'est la stagiaire qui va faire le best-of, elle va l'entendre chanter tout à l'heure. Ah oui, je chante bien. Maintenant c'est la nouvelle, c'est le nouveau sitcom ici à Fun Radio. On va suivre l'histoire entre Lobe et la stagiaire. C'est ça. Ah bah oui, il chante bien. Mais oui, il a l'air une bonne voix. Imagine une tête de con, mais sinon il chante bien. prochaine déclaration peut-être pour Noémie, notre stagiaire. Mais qui sait ? Il faut savoir que maintenant l'aube arrive plus tôt pour être arrivé avant elle et il part plus tard. Exactement. Pour partir après. Exactement, voilà, tout à fait. Tant mieux, hein. Bon, Mister You et DJ Adèle, ça arrive dans un instant sur Fun Radio. Et un message qui dit: je trouve pas logique que ce soit toujours du côté de Liège et de la région de Namur. Je crois que l'homme veut intervenir. Non mais c'est pas grave, il interviendra demain. Bon, et donc du coup, bah oui, mais il suffit de te manifester, hein, tout simplement, hein, si t'es dans une autre ville. Il n'y a pas de malaise, hein, tout le monde est le bienvenu sur Fun, il n'y a pas de problème. 8h26 sur Fun Radio, c'est l'info qui arrive juste après ça. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, assalam alaikum, ici c'est monsieur Tomola. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Fun Radio, on est ensemble, bande de cochons. Mickaël, à la radio. Mickaël, à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Et restez bien là puisque dans un instant il y aura la devinette qui colle pour repartir avec les derniers écrans plats de ce matin ou les packs Nintendo Wii. Et à 8h29, on se fait l'info maintenant avec Julie. Salut à tous. Salut. Drame social à Liège. ArcelorMittal ferme les hauts fourneaux. Les syndicats sont en colère et les politiques sont stupéfaits. Cela représente une menace directe pour près de 1000 travailleurs et 3000 emplois indirects sont concernés. Concrètement, ce sont les deux hauts fourneaux d'Ougré et de Serein, ainsi qu'une bonne partie du site de Chartal qui sont concernés par les fermetures. La procédure de licenciement collectif a été lancée. De leur côté, les syndicats promettent la riposte dès aujourd'hui. Willy De Meyer, le bourgmestre socialiste de Liège, appelle les forces à s'unir aux côtés des travailleurs. Politique, Elio Di Rupo ne s'est pas rendu chez le roi hier. Trouver une coalition est très difficile, d'après sa porte-parole. Le débat sur la future coalition porte essentiellement sur la présence ou pas des écologistes, d'Écolo et de Groen. L'Open VLD et le CDNV ne veulent pas des Verts dans le nouveau gouvernement. Le formateur poursuit ses entretiens avec les présidents de parti aujourd'hui, tandis que de son côté, la NVA critique l'accord conclu et la sixième réforme de l'État. L'Union européenne veut instaurer une taxe sur le diesel à partir de 2013. Coût estimé par automobilistes, 600 € par an. Le diesel deviendrait ainsi plus cher que l'essence. Inacceptable, clame la FEBIAC, qui redoute un impact de cette taxe sur les professionnels qui doivent effectuer de longues distances. À la STIB, le ticket unique pourrait passer à 2 € et le ticket un voyage devrait même coûter 2,50 € s'il est acheté dans le bus. Une note définissant les contours de la nouvelle grille tarifaire aurait été approuvée mardi par le comité de gestion de la STIB. Cette grille doit encore passer 2 stades de négociation pour être adoptée. Le ticket unique coûtait 1,70 € en 2010, avant d'augmenter déjà cette année de 10 centimes. Les faveurs accordées au secteur Horeca font grincer des dents. Il y a 2 ans, le gouvernement a décidé de baisser la TVA dans le secteur Horeca, passant de 21 à 12%. Une baisse pour les services restaurants et restauration, mais pas pour les boissons. Ce coup de pouce coûte près de 300 millions d'euros par an à l'État. Mais en contrepartie, le secteur s'engageait à créer 6000 nouveaux emplois et à réduire le travail au noir. Aujourd'hui, l'Institut de développement durable dénonce: on est bien loin des 6000 emplois promis. Les objectifs ne sont donc pas atteints et la plupart des embauches sont des emplois transformés ou alors des plans win-win. Alors et enfin, aux États-Unis, l'intoxication alimentaire due à des melons contaminés à la listeria a fait au moins 23 morts et a affecté 93 personnes. Cette intoxication alimentaire est la plus meurtrière dans le pays depuis 1998. Et à 8h32 sur Fun, la météo maintenant. Matinée... Écoutez-la bien car c'était peut-être un indice éventuellement par rapport à la devinette qui colle qui arrive. Ah, oh là là, matinée plutôt grise et soleil qui arrive déjà sur le littoral. Cet après-midi, on attend de belles éclaircies, températures qui sont en baisse, hein, mais quand même jusqu'à 15 degrés. Demain, toujours du soleil et aussi pour ce week-end. Voilà, voilà, voilà. Je vous donne la petite devinette qui colle juste après. On va écouter aussi Pitbull avec Marc-Anthony. On aura aussi Mystery et DJ Abdel avec Thank You. Fun Radio. Fun Radio. Mais avant cela, bien sûr, il y a la question plus. Enfin merde, oh là là, je vais y arriver. C'est pas la question qui colle, c'est l'info en plus. L'info en plus qui parle d'une histoire quand même assez hallucinante. Pour ceux qui connaissent le film La vie est un long fleuve tranquille, ils vont se rendre compte que la fiction dépasse la réalité. Eh bien, ce film raconte l'histoire de deux bébés qui ont été échangés à des maternités. Donc un bébé d'une famille qui vient d'une famille pauvre se retrouve dans une famille bourgeoise et inversement. Bah, je conseille ce film, il est très très drôle. Ouais, il est sympa, il est un peu vieux, il a pris un coup de vieux, mais il a pris va. Un coup de vieux, mais il reste très très drôle. Donc la vie est un long fleuve tranquille, mais ce qui est beaucoup moins drôle, c'est que ça s'est passé réellement dans une maternité russe. Donc on est en Russie, une maman s'est rendue compte que sa fille n'était pas vraiment sa fille. En fait, elle a divorcé de son mari a refusé de payer la pension alimentaire, prétextant que la fille ne lui ressemblait pas et qu'il ne pensait pas que c'était donc son enfant. Donc, il savait bien que sa femme était allée voir ailleurs, quoi. Non, pas du tout. Justement, tu vois, Stoff, tu vois toujours les choses en noir. Eh bien, pas du tout. Donc, il se retrouvait au tribunal, test ADN, etc. Et la juge s'est rendue compte que la fille n'était ni du père, mais surtout ni de la mère. Donc, la mère a fait sa petite enquête toute seule. Elle s'est rendue compte qu'à la maternité où elle avait accouché, une autre maman avait accouché en même temps. Et elle s'est rendue compte que son bébé avait été changé avec le bébé de l'autre maman. Donc elle porte plainte contre l'hôpital. Elle demande des dommages et intérêts de 115 000 euros. Donc les deux familles demandent donc ça à la maternité. Et bon, ils se sont rencontrés, les petites filles se sont rencontrées. Mais bon, elles sont très traumatisées. Elles refusent évidemment de changer de famille. Elles ont quand même 12 ans maintenant. Ah oui, quand même. Donc c'est une, voilà, c'est une histoire qui fait quand même froid dans le dos. Exactement, bah, j'imagine. Et bah en oui. Aussi, en plus. Ah bah oui, mais c'est ça en plus. Hein. Bon, bah très bien. Retour de l'info, ce sera tout à l'heure aux alentours de 9h sur Fun Radio. Et puis je vous annonce la petite devinette qui colle, la dernière de ce matin, pour repartir avec peut-être le troisième écran plat qu'on met en jeu ce matin, car il y en a trois par jour sur Fun à gagner. Écoutez bien, éclat de soleil, il nous vient du ciel. C'est une énigme du Perforas, hein, c'est pour ça qu'elle est un peu différente que les autres. Éclat de soleil, il nous vient du ciel. De braquage, on le dit, en voiture et d'une roue de vélo, il fait la structure. Qui est-il ? Oui, je fais mal le Perforas, hein, mais bon. Oui, tu fais très mal parce qu'il parle pas du tout comme ça. Hein. Oui, bah écoute, j'essaie de faire ce que je peux. Hein. On peut. Petit indice. Merci, Perforas. Ah, petit indice, il peut être laser également, le mot qu'on cherche. Il peut être laser. Oui. Un autre indice ? C'est tout pour le moment. Bah merci, merci bah, la voix. Bon, la bonne réponse au 63-22, je répète, éclat de soleil, il nous vient du ciel, de braquage, on le dit, en voiture et d'une roue de vélo, il fait la structure. Si vous avez la bonne réponse, sachant qu'il peut être laser par exemple, vous envoyez votre réponse au 63-22 et vous choisirez entre un écran plat ou le pack Nintendo Wii. Le temps d'écouter Mister You maintenant sur Fun Radio. Le son à l'instant de... Ce truc est parti en même temps là. C'était donc DJ Abdel à l'instant, juste avant avec son prince, c'était Funk You. 8h38, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Que vous la passez d'ailleurs, la bonne matinée justement. Je vous rappelle la petite devinette qui colle. Devinette qui colle maintenant. Alors, où est-elle ? Ah, ouais, c'est ça. Éclat de soleil, il nous vient du ciel. De braquage, on le dit. En voiture et d'une roue de vélo, il fait la structure. On peut également. Il peut être laser également. Quelqu'un a un autre indice éventuel à donner, comme on a dit tout à l'heure là ? 314. 314. Oui, enfin, il y en a beaucoup dans des supermarchés. Ah bon ? Bah oui. Bah oui. Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui, oui, ok, d'accord, oui. Très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse. Oui, bah oui, je suis con. Parce que moi, j'étais oui, sur. Ça, non, mais j'étais sur laser. Non, mais oui. J'étais sur laser. Je me dis, il y en a beaucoup dans le supermarché des lasers. Puis après, ah bah oui, forcément, oui. Bon, bah très bien. Vous baladez donc justement dans ces supermarchés, dans ces allées. On peut l'appeler allée également, hein. Oui. C'est vrai. Dans les supermarchés, bon. En tout cas, on peut les appeler allées. Ah oui, bien sûr. La bonne réponse, 63-22. Bonne chance, tout le monde. Il est 8h39. Dans quelques instants, on appelle encore une fois. Bah les petites maternités là, on essaiera d'appeler à la Louvière, on a essayé d'appeler à Bruxelles où les gens nous ont dit bah oui bah écoutez c'est normal, l'erreur est humaine. À Liège on nous a dit mais non rassurez-vous monsieur, votre femme vous a pas trompé, ça peut être héréditaire, vous savez, peut-être que les grands-parents étaient noirs, on ne sait jamais. Renseignez-vous de ce côté-là, hein, donc puisque en gros c'est en Russie, Moscou je sais pas, en tout cas c'est en Russie, ouais. Où il y a deux couples qui ont donné naissance à deux enfants il y a 12 ans, un des deux couples s'est séparé et bah du coup ils ont fait un test de paternité parce que le père pensait que c'était pas son enfant parce qu'il lui ressemblait pas, et pour cause c'était ni l'enfant du père ni celui de la mère, puisque l'hôpital en Russie s'était trompé et avait inversé les deux enfants il y a 12 ans. Donc voilà, du coup on a décidé d'appeler des maternités ce matin pour voir si le problème pourrait arriver ici aussi. Et pour l'instant, bah, à Bruxelles, c'est possible, ça peut arriver. Donc si vous accouchez à Bruxelles, méfiez-vous. Dans un instant, c'est Pitbull qui arrive sur Fun Radio. Il y aura l'interview aussi de Shaggy et Sarah dans un instant. Hein. Et Pitbull avec Marc-Anthony, ce sera Rain Over Me sur Fun Radio. Bonne matinée. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. Fun à la radio. Il est 8h45 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. On va faire un tour du côté des l'info trafic. Il se passe quoi sur les routes alors, Julie? Accident sur le 40 Liège-Bruxelles, la hauteur de Blény. Ça va? Bande droite et du milieu obstrué. Il y a déjà 10 km de fil à cet endroit. L'accès Barchon est fermé. Ah bah, bonne de même chance, que la bande de lancement. Bonne chance à tous. Bah, c'est ça, bon courage. Alors, si vous êtes... ouais. Je rappelle que sur le ring de Bruxelles. Ah, c'est le bordel? Non, mais on a l'habitude. Il y a un camion qui brûle. Ah, il brûle encore le camion là? Il brûle depuis 4h30 du mat là? Non, je crois qu'il brûle plus, mais il faut le temps de le dépanner, tu vois. Ah ouais, bah, enfin de l'enlever, parce que là, il y a un moment, il ne roulera plus, hein, je pense. Hein, mais... Oui, le dépanner dans le sens de l'enlever. Oui. D'accord, ok. Bon, si vous êtes témoin d'un problème sur les routes, hein, n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez le principe, 30-44 par SMS et 50 centimes le message. Ou alors, vous envoyez tout simplement un mail, c'est gratuit, mikl@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Bon, nous allons faire maintenant la ligne anti-relou. Les meilleurs messages laissés sur cette ligne qui est spécialement dédiée à vous, hein, les filles. Surtout les filles. Ça peut fonctionner pour les garçons aussi, mais c'est plus rare. Mais en tout cas, ça marche pour tout le monde. Numéro à retenir par cœur, 0-473-86-00-13. Et donc, grâce à ce numéro, vous allez pouvoir vous débarrasser de tous les relous, car vous allez leur donner ce numéro-là. Ils vont croire que c'est votre numéro et donc, du coup, vont appeler comme des cons et laisser des messages de cons que nous allons écouter comme des cons. Allez, c'est parti. Celui-là est un bel exemple. Voilà. Donc rassurez-vous, j'ai fait un suivi de cette personne. Il a bien été admis. Hein. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il s'appelle vraiment Léo ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a été admis. C'est le principal. Deuxième message. Salut, ça fait 3/4 d'heure que je t'attends. Il n'est toujours pas là. Je suis sur le terrain de foot de Guimeni. J'espère que je ne me suis pas trompé d'adresse. Sinon, ben, rappelle-moi. Allez. Aïe, aïe, encore un qui s'est fait avoir et qui va rester là indéfiniment. Oui, et qui va prendre racine. Effectivement, oui, qui sera d'ailleurs peut-être bientôt enterré quand il sera mort. Dernier message maintenant, laissé sur la ligne anti-relou, 0-473-86-00-13. Et celui-là, pour l'avoir déjà entendu, je peux vous dire que c'est du lourd. Oui, bonjour. C'est pour te dire merci pour cette soirée qu'on a passée ensemble. Je trouve qu'on a bien mangé, surtout saucisse, compote, purée. C'est vraiment ce que je préfère. Maintenant, si tu veux manger une autre saucisse plutôt différente que celle qu'on a mangée hier, on peut se voir quand tu veux. M'appelle, allez, salut. Mais c'est pas possible. Voilà, sans déconner. Il essayait d'être drôle ou je n'ai pas bien compris. Non, écoute, je sais pas. Qu'est-ce qu'il essaye de subtil. Faire. Bah attends, mais arrête, Julie, on t'appelle. Tu dis, bonjour, Julie, écoute, on a mangé de la saucisse. Si tu veux manger de la saucisse. C'est grosse comme une maison. Hein. Mais oui, je suis sûr que tu craques pour un mec comme ça. Ah, moi, d'ailleurs, j'ai déjà récupéré un numéro. Je mais vais voilà, l'appeler mais en on s'en doutait, on s'en doutait. Je vais organiser un rendez-vous. 8h48 sur Fun Radio, bon réveil. Je vous rappelle la devinette qui colle de ce matin pour gagner l'écran plat ou le pack Nintendo Wii, c'est vous qui choisissez. Hein. Éclat de soleil, il nous vient du ciel, de braquage, on le dit, en voiture et d'une roue de vélo, il fait la structure. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Il y a donc l'écran plat ou le pack Nintendo Wii. Un indice, Julie? Non, j'en ai déjà donné assez. Bah répète-le pour ceux qui n'étaient pas là. Dans les allées des supermarchés. Voilà. Exactement, on peut les appeler comme ça également. Voilà. Ou alors, comme je l'ai dit, il peut être laser également. Voilà, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. Et on nous signale un flash au tunnel Porte de Halle à Bruxelles. Donc, si vous êtes dans le tunnel Porte de Halle, limité à 70. Si mes souvenirs sont bons, c'est 70, sauf dans le tournant, forcément. Si mes souvenirs sont bons, hein, mais je ne garantis pas. Dans 50, ouais, voilà. Dans le doute. Parce que sinon, après, il y a 3-4 PV qui vont arriver à la radio. C'est ça, ouais. C'est Mickaël, dans le doute, dans le doute, roule à 50, voilà, on sait jamais. Exactement. Allez, Pitbull et Marc-Anthony sur Fun Radio, on écoute Rain Over Me. On écoute Rain Over Me. Heureusement, il y a un nouveau bouton depuis hier. Hein. J'espère qu'on s'en rend bien compte. Ouais, on s'en rend bien compte. Voilà. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Sur Fun Radio avec Marc-Anthony, c'est Rain Over Me. Dans un instant, l'interview de Sarah et Shaggy sur Fun Radio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, hein. Pas du tout. Ah oui, c'est une balle dans la tête. Voilà, Sarah et Shaggy sur Fun Radio. Ce sera dans quelques instants avant 9h30, donc restez bien là. Champagne. Il y aura Peter Lutz aussi avec Lynn LaRouge, avec Hands Up, ça va arriver. Et puis la devinette qui colle, je vous la rappelle avant de faire les appels aux maternités. La devinette qui colle, c'est la suivante. Éclat de soleil, il nous vient du ciel de braquage. On le dit en voiture et d'une roue de vélo, il fait la structure. Qui est-il? Il peut être laser, il y en a beaucoup dans les supermarchés. Forcément, on passe dedans avec le caddie. On proposait un bar. Non, pas du tout, ce n'est pas la bonne réponse. Et alors, il y en a un qui a proposé la bonne réponse en l'occurrence, mais qui dit « Salut l'équipe, vous êtes pure ». Merci. Merci. Je prends ça comme un compliment. Hein, finalement, je pense que je dois le faire. Bon, parlons de maternité. On va rappeler des maternités, justement. On avait appelé à Bruxelles et à Liège tout à l'heure, puisque pour ceux qui débarquent, donc, il y a une nouvelle... Pendant que Julie est en train de décéder. Ouais, non, j'éternis parce que je... Oh là là, et toi aussi, ok, alors. Voilà. Quelle équipe de bras cassés, sans déconner, c'est très dur. Non, mais le problème, c'est qu'on est tellement confinés dans ce studio qu'il y en a un qui tombe malade, il refile d'office ses microbes aux autres. Donc, c'est ça toi, tu es en train de guérir, ouais. Moi, je suis en train de tomber malade, puis après, ça va être Mickaël. J'aurais pas mis finé dans ton mot, mais enfin bon, après, chacun son délire, évidemment. Ah, ok. Écoute, j'essaie de mettre à votre niveau, c'est pas toujours facile. Hein. Non, mais bon, je disais donc qu'en Russie, peut-être. Il y avait deux couples il y a 12 ans qui ont donné naissance à un enfant chacun. Et donc, ils se sont rendus compte aujourd'hui que, bah, en fait, ils ont été échangés, les enfants, à la naissance. Et donc, forcément, bah, ça pose un gros problème, évidemment. Et donc, du coup, bah, Toff a décidé d'appeler des maternités ce matin pour voir un peu comment ça se passait. Donc, à Bruxelles, ils ont dit bah, écoutez, monsieur, bah oui, ça peut arriver, hein. Bah oui. Parfois, comme bah ça, oui. On peut se tromper, hein, l'erreur est humaine. À Liège, ils ont dit, mais rassurez-vous, non, votre femme vous a pas trompé, ça peut être génétique, vous êtes blanc, il est noir, le petit, mais c'est pas grave, peut-être que les grands-parents ou arrière-grands-parents étaient un peu noirs aussi, donc ça peut revenir assez loin, vous inquiétez pas, et donc là, on appelle à la Louvière. C'est bon? Oui, je suis prêt. Eh ben, allons-y. C'est tant mieux, alors c'est parti, on appelle à la Louvière, donc, la maternité. Oh, quelle belle musique. Bonjour. Oui, bonjour, j'aurais voulu la maternité, s'il vous plaît. Ah bah donc, au bon accueil, bonjour. Même pas un oui, un petit instant, non, rien à foutre. Maternité. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai une petite question qui m'a travaillé toute la nuit. J'aurais voulu savoir si vous auriez pu inverser deux enfants. Quelle blague. Non madame, c'était pas une blague, sinon je ne vous appellerai pas. Je vais vous passer la salle d'accouchement, ne quittez pas. Oui. Cette musique, oh. Jamais contente, moi. Non, mais là, quand même. Oui, la salle d'ac. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, j'ai eu votre collègue à qui je posais la question qui m'a envoyé vers vous. Voilà, je voulais savoir s'il était possible que vous ayez inversé deux enfants. Attendez, je vous parle à sage-femme. On va quand même pas faire le tour du service là. Allô, le standard. Ah, attendez, je vous passe à maternité. Allô ? Oui, bonjour madame. Voilà, bonjour. Donc comme j'expliquais à votre collègue et à celle d'avant, voilà, je voulais savoir s'il était possible que vous ayez inversé deux enfants. Pardon ? Mais voilà, en fait, je vous pose la question parce que voilà, ça fait 10 ans que je regarde mon enfant grandir et que je trouve qu'il ne me ressemble pas. Alors au début, j'ai cru que c'était ma femme qui avait eu une aventure. Voyez ce que je veux dire, hein, elle a la jambe un peu légère. Et donc je me suis dit que c'était peut-être à cause de ça. Mais aujourd'hui, plus je le regarde, plus je trouve qu'il ne ressemble pas à ma femme non plus. Oui. Alors, écoutez ça. C'est pas du tout quoi vous répondre. Non, moi je dirais absolument non. Maintenant. Maintenant, ça peut arriver. Non. Bah, vous n'avez pas l'air très sûr de vous, quand même. C'est pas une question à poser à la maternité, non. Bah oui, voilà. Mais à qui voulez-vous que je la pose? À votre femme, à votre... Enfin, voilà. À mon enfant, je lui demande à mon enfant si c'est mon enfant. Je sais pas à qui vous adressez, mais sûrement pas ici. Ah bah oui, mais enfin bon, moi je vous voyez, c'est chez vous que c'est arrivé, je m'adresse chez vous. Ah bah oui. Écoutez, c'est pas un service ici pour voir si votre enfant a été échangé ou pas. Faites un test de paternité si vous voulez savoir ça. Ah la Louvière, ah oui, au bon accueil, bonjour. Hein. Ah bah ouais, bah faites la thèse de maternité. Ah ouais. Bon bah ok, d'accord. C'est hein, brusque, hein. Bah ouais, c'est un peu violent quand même. Hein. Bon bah très bien. Mais voilà, donc à Bruxelles c'est possible, à Liège non c'est pas non. Possible, mais rassurez-vous, votre femme elle vous a pas trompé. Et à la Louvière c'est casse-toi pour fond et merde-toi. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu faire le tour du service avant de. Ah oui, ouais, on a parlé avant à tout le monde. On s'est raccroché au nez. Ah, tout le monde travaille ce matin. Si vous devez aller à la maternité à la Louvière, rassurez-vous, tout va bien. Accoucher allez, restez là. Ouais, c'est ça. Restez là dans un instant. C'est l'info qui arrive. Et il y aura aussi l'interview de Shaggy et Sarah. Et Peter Lutz aussi avec Lynn LaRouge. sera Hands Up sur Fun Radio et j'ai des places aussi pour la Smart Cup. Ça sera ce week-end, 63-22, code Smart. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. 9h01 sur Fun Radio, l'info maintenant avec Julie et l'interview tout à l'heure de Sarah et Shaggy, ça va débarquer avant 9h30. Salut à tous, drame social à Liège, ArcelorMittal ferme les hauts fourneaux, les syndicats sont en colère et les politiques sont stupéfaits. Cela représente une menace directe pour près de 1000 travailleurs et 3000 emplois indirects sont concernés. Concrètement, ce sont les deux hauts fourneaux d'Ougré et de Serein ainsi qu'une bonne partie du site de Chertal qui sont concernés par les fermetures. La procédure de licenciement collectif a été lancée. De leur côté, les syndicats promettent la riposte. Willy Demeyer, le bourgmestre socialiste de Liège, appelle les forces à s'unir aux côtés des travailleurs. Politique, Elodie Rupo ne s'est pas rendue chez le roi hier. Trouver une coalition est très difficile, d'après sa porte-parole. Le débat sur la future coalition porte essentiellement sur la présence ou pas des écologistes, d'Écolo et de Groen. L'Openville et le CDNV ne veulent pas des Verts dans le nouveau gouvernement. Le formateur poursuit ses entretiens avec les présidents de parti aujourd'hui, tandis que de son côté, la NVA critique l'accord conclu et la sixième réforme de l'État. L'Union européenne veut instaurer une taxe sur le diesel à partir de 2013, coût estimé par automobilistes 600 euros par an. Le diesel deviendrait ainsi plus cher que l'essence. Inacceptable, clame la FEBIAC, qui redoute un impact de cette taxe sur les professionnels qui doivent effectuer de longues distances. À la STIB, le ticket unique pourrait lui aussi augmenter et passer à 2 euros. Et le ticket un voyage devrait même coûter 2,50 euros s'il est acheté dans le bus. Une note définissant les contours de la nouvelle grille tarifaire aurait été approuvée mardi par le comité de gestion de la STIB. Cette grille doit encore passer deux stades de négociation avant d'être adoptée. Le ticket unique coûtait 1,70 euros en 2010 avant d'augmenter déjà cette année de 10 centimes. Les faveurs accordées au service Horeca font grincer des dents. Il y a deux ans, rappelez-vous, le gouvernement a décidé de baisser la TVA dans le secteur Horeca, passant de 21 à 12%. Une baisse pour les services restaurants et restauration, mais pas pour les boissons. Ce coup de pouce coûte près de 300 millions d'euros par an à l'État, mais en contrepartie, le secteur s'engageait à créer 6000 nouveaux emplois et à réduire le travail au noir. Aujourd'hui, l'Institut de développement durable dénonce on est bien loin des 6000 emplois promis. Les objectifs ne sont donc pas atteints. La plupart des embauches sont des emplois transformés ou alors des plans win-win. Et puis aux États-Unis, intoxication alimentaire due à des melons contaminés à la listeria, eh bien, elle a fait au moins 23 morts et a affecté 93 autres personnes. Cette intoxication alimentaire est la plus meurtrière dans le pays depuis 1998. Et on rembourse vos factures dans un instant sur Fun Radio. 63-22 par SMS. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle dans 5 minutes. On écoutera aussi Peter Lutz. Mais avant ça, c'est la météo. La matinée est encore grise, mais le soleil arrive déjà par le littoral. Cet après-midi, on attend de jolies éclaircies, température en baisse, mais quand même jusqu'à 20, jusqu'à 15 degrés. Oulala, j'allais m'emballer. Demain, toujours du soleil et ce week-end aussi. Eh bah bonne nouvelle, tiens, 9h04 sur Fun Radio, c'est l'info en plus dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Et à 9h05 sur Fun Radio, c'est parti maintenant pour l'info en plus. L'info en plus, c'est un jeune Marocain de 29 ans qui vit en banlieue parisienne et qui vient de battre un record du monde. Alors, il mesure 2m46. Non, ce n'est pas ce record-là qu'il a battu, pas le record de l'homme le plus grand, parce qu'il existe un homme plus grand que 2m46, c'est déjà assez énorme. Mais lui, il a battu le record des pieds les plus grands du monde. Mais il fait combien, juste le mec, le recordman, tu sais ou pas? Alors, le recordman de hauteur, là. Je crois que c'est autour de 2m50. Mais c'est ça, il faudrait vérifier. Donc lui, Brahim, le jeune Marocain, à 2m46, et bien sa taille de pompe, c'est quand même du 58. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, donc il a des pieds qui mesurent 38 cm. Il vient donc de battre le record du monde. Alors c'est pas très rigolo parce que s'il est aussi grand, c'est qu'il souffre d'une maladie. Il a appris à l'âge de 18 ans qu'il souffrait de l'acromégalie, une maladie qui est exceptionnellement rare et qui touche une personne sur 20 000. Et donc, il n'a pas arrêté de grandir. Il mesure 2,46 m. Mais bonne nouvelle pour lui, allez, il a battu le record du monde. Ouh. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, bah. Il a des pieds qui font du 58. C'est ça, qu'est-ce que ça lui rapporte? Bah, rien, à part des emmerdes, parce qu'au final, pour s'habiller, tout à ça, ça va des... être une. Ah oui, non, il a des chaussures, c'est forcément pas en magasin, il doit se les faire faire. Ouais, pareil pour les vêtements. Il sait même pas monter dans une voiture. Passer une porte, il doit se plier en deux. Enfin, tu m'étonnes. Quelle galère. Ça doit être un cauchemar. Ah ouais, putain, ça doit être une horreur. Effectivement. 9h06 sur Fun Radio dans un instant. On vous rembourse vos factures. Vous envoyez votre message au 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture, comme la 25€ pour une amende, 103€ pour Beliacom. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Facture de GSM, 103€ aussi. 100€ pour la redevance télé. La redevance télé, pardon. 99,10€ pour la mutuelle. 148€ pour la. Bah, partenaire, encore une mutuelle. 63,22€, on vous appelle juste après. Peter Lutz, qu'on va écouter maintenant sur Fun Radio avec Lynn LeRouge. C'est Hands Up sur Fun, bonne matinée. Sur Fun Radio, c'était avec Lynn LeRouge, Hands Up, les factures, allez hop. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. 7h10, 8h10, 9h10, pour l'instant on a fait un sans faute, c'est beau, je suis content, je suis assez. Content. On ne sait pas ce qui peut encore arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Voilà, les factures, vous êtes nombreux à vous inscrire et on vous tire au sort, bien évidemment. Si vous répondez bien à la question, c'est gagné. Voilà. Petite question relativement facile, hein, faut quand même le dire. Oh, mais j'ai fait une connerie, j'ai raccroché au nez de monsieur. Ah, faut rappeler. Bah, je voulais libérer les autres lignes, puis j'ai raccroché à tout le monde en fait. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Allez hop, j'ai fait une petite erreur, ça peut arriver. Ce mec ne sait pas se servir non, de ses deux. Ça peut arriver, c'est même incroyable. Au meilleur, la preuve, ça vient de m'arriver. Oh, mais, ouais, mais c'est parce qu'il se met des défis, il essaie de faire l'émission avec des moufles aussi. Ouais, c'est ça, je dois tout faire. Arrête un peu là. Ah, là, là. Bon, allez, on rappelle du coup maintenant la même personne. Et on rembourse combien d'offres? 41,80€. Allô. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, qui paye les factures le matin? Fun Radio. Eh oui. Eh oui, c'est Fun Radio avec un E. Ah bah, merci beaucoup. Ben, y a pas de problème. Hein. Combien c'était? 41,80€. Alors 41,80€, on va te rembourser ça. Comment tu t'appelles? Marie-Thérèse, très bien. Et oui. Tu veux qu'on te rembourse 42,80€, mais pour payer quoi? C'est une facture de produits de beauté. Des produits de beauté. Ah, eh ben, produits écoute. De beauté, Marie-Thérèse, prends soin d'elle, elle mais a bien, bien raison. Bien sûr, voilà. Mais elle a raison, Marie-Thérèse. Bon, Marie-Thérèse, avec un nom aussi fun, tu vas repartir avec tes 42,80€, il n'y a pas de problème. Je te fais des gros bisous, Marie-Thérèse, et reste au standard, on va t'expliquer comment ça marche. Merci à vous. Mais je t'en prie. Salut Marie-Thérèse. Bonne journée à toi aussi. Salut, ciao. Eh ben voilà, au revoir. On remet le couvert dès demain à partir de 6h sur Fun Radio. On vous remboursera à nouveau vos factures. Vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez toute la journée. On appelle n'importe quoi. Enfin, tirage au sort. 6322, débutez votre message. Quoi. Bah oui, n'importe qui. Un quoi. Chien, un chat, un être peut-être. Humain, mais s'il a une facture, il n'y a pas de problème. 6322 par SMS, débutez par facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, la réponse aussi à la petite devinette qui colle, éclat de soleil, il nous vient du ciel, de braquage, on le dit, en voiture et d'une roue de vélo, il fait la structure. On peut également, il peut être également laser et il se trouve dans les supermarchés. C'est là qu'on passe avec le caddie dans une allée, on appelle ça également autrement. 63,22 avec la bonne réponse, il y a des écrans plats qui sont à gagner évidemment, hein, le troisième de la matinée, troisième écran plat qui peut partir, ou alors le pack Nintendo Wii, comme ça vous savez tout. 63,22, c'est 1€ le message, bonne chance. Et avant l'interview de Sarah et Shaggy et également le dernier horoscope de la matinée, c'est Deepside DJs qu'on écoute, Never Be Alone sur Fun. Le son Deepside DJs avec Never Be Alone sur Fun Radio. Nous allons passer à l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Et l'horoscope maintenant, c'est avec l'ami Doudou, bien évidemment. Doudou toujours là? On vous entend mal. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Pourquoi je veux pas parler? Bon, les béliers, Doudou, on y va. Les béliers, avec habilité, vous contournez les obstacles que les envieux mettent sur votre route. Eh oui, les taureaux. Vous êtes la star de cette journée. Les gémeaux. Dépensez-vous en faisant du sport. Bah oui, c'est une bonne idée aussi. Les cancers. Si c'est possible, reportez votre travail à demain. Les lions. Vous allez connaître des réussites financières. Mais lisez bien les clauses écrites en tout petit caractère car avant de signer. Les vierges. Ne prenez pas à cœur le stress de votre entourage. Très bien. Où est-ce que je suis maintenant? Ah oui, les balances. Oui, réglez un vieux problème, ne le traînez plus avec vous. Les scorpions. Vous démarrez cette journée sous les chapeaux de roue et vous êtes invincible. Les sagittaires. Soyez plus résolus et n'ayez pas peur des autres. Les capricornes. Vous avez dû encaisser d'autres échecs financiers. ces derniers temps, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Les Verseaux, n'attendez aucun miracle aujourd'hui. Ah bah, c'est pas un petit motivant, ça tient. Et les Poissons pour finir. Même si tout part dans tous les sens, vous êtes comme le rocher dans la vague déferlante. Très bien, bah merci Doudou, on vous retrouve demain. Mais oui, avec plaisir. Et bah passez une bonne journée Doudou, à bientôt. Bien hein. Sûr, bien sûr. Au revoir, au revoir. Hein. Et dans un instant, c'est la réponse aussi, la devinette qui colle. Voilà, je vous la rappelle pas parce que j'ai déjà assez dit. Hein. On va faire ça d'ici quelques instants. Donc 63-22, allez-y. Et puis 9h17. Juste dans quelques instants, c'est l'interview de Sarah et Shaggy. Justement, on va les écouter maintenant. Sarah et Shaggy, c'est Champagne sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Shaggy.